Ben, ça va être la semaine prochaine, peut-être, Charlie Winston. Peut-être un autre à découvrir, comme on le fait toutes les semaines, les lundis, à 8h pour la chronique La Boîte à musique avec Alexandra Carignan. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Eh bien oui, comme tous les lundis, et avec chance, on est chanceux de recevoir Jeff Veilleux. Salut Jeff. Salut Danny, bon lundi. Bon lundi à toi, ça va? Deux jours après la manif monstre. Ben oui, on s'est vu là, c'est cool ça. Oui, tout à fait. Malgré la froide température, les citoyens sont sortis nombreux. Faisait pas chaud rues. Quand même. Hein? Puis de chance qu'il y avait du soleil là. Parce et que... tu dis, quand ils se cachaient un peu, on gelait, ouais. Mais on s'est quand même déplacé le cul pour les autres qui l'ont pas fait. Tout à fait. C'était super, oui. Même si on n'a pas eu un gros feedback, je trouvais, de justement, les médias, un peu à la télé en direct, parce qu'il ne se passe jamais rien pour eux autres, fait qu'ils prennent n'importe quoi. Ouais. Mais les journaux écrits, et même Internet, je trouve pas, Facebook n'a pas été très, très prolifique à dénoncer ce qu'on a fait. Ouais. Il y a peut-être de la censure à certains égards. Là, je le sais pas. Ça ressemble à ça, on dirait. Et sinon, mon Jeff, qu'est-ce nouvelle que tu nous amènes? Nouvelle internationale d'abord. Oui. Londres a offert de nouveaux pouvoirs à l'Écosse. Jeudi dernier, les principaux partis politiques britanniques se sont entendus pour accorder à l'Écosse de nouveaux pouvoirs de taxation et de dépenses en respect à la promesse qu'ils avaient faite dans les derniers jours de la campagne référendaire. Et en fait, le plan publié jeudi accorderait au Parlement écossais à Édimbourg le pouvoir de déterminer du taux d'imposition du revenu et de conserver les recettes dans les coffres écossais. L'Écosse obtiendrait aussi de nouveaux pouvoirs concernant les dépenses sociales. Et le premier ministre britannique David Cameron est d'avis que ces concessions remplissent la promesse faite pendant la campagne, tandis que le chef adjoint de l'administration écossaise indépendantiste John Sweeney estime qu'elles ne correspondent pas aux attentes des Écossais. Et finalement, ces propositions seront enchâssées dans un projet de loi présenté au Parlement britannique en janvier prochain. Donc, c'est un dossier à suivre, et car d'autres régions du pays et même certaines grandes villes pourraient alors réclamer des pouvoirs similaires. Oh, ben oui, c'est donc, clair. À suivre, ça va faire des jaloux. C'est ça qui arrive, mais en tout cas, au moins, il y a eu de quoi qui a bougé quand même. Tout à fait. Peut-être pas assez pour certains, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que ce que nous, on a tout le temps perdu à chaque fois, de plus en plus. Mais en tout cas. Mais sinon, on a gagné quelque chose, Danny. Oui, vas-y. Nouvelle nationale, le pont Champlain va finalement garder son nom. Oui. Ils ont compris qu'on n'était pas d'accord ou qu'on n'était pas content après 2-3 mois de niaisage. Oui, et de haussage de ton. Mm-hmm. Donc, finalement, on va garder... fait qu'on va pouvoir se concentrer sur le débat du péage du pont Champlain. Oui. Donc, dossier à suivre également. Dossier à suivre. Une victoire, mais un combat non terminé. Tout à fait. Et sinon, voilà quelques semaines, j'avais invité Dominique Hamelin de Greenpeace à venir nous parler de l'oléoduc et du pétrole sale, là, des sables bitumineux. Et aujourd'hui, j'ai un collègue scientifique parce qu'on va parler de science et d'alternatives dans les énergies vertes. Et avant de le présenter, pour débuter, j'ai sorti 4 articles qui sont quand même éloquents sur la situation des scientifiques au Canada. On retourne en février 2012. Mm-hmm. Le budget est réduit à Environnement Canada et des scientifiques américains étaient inquiets. Ils remettent en cause la participation du pays dans plusieurs accords internationaux. Et ça, là, déjà en 2012, on réagissait finalement au licenciement de quelques 300 scientifiques en moins d'un an. Déjà en 2012. Il faut prendre ça au sérieux, disait quelqu'un au NPD. Les scientifiques ne s'immiscent que très rarement dans le monde politique. Oh, mais il dérange M. Harper. février 2013, un an plus tard, le gouvernement de Stephen Harper est accusé de museler ses scientifiques par un groupe de défense de l'environnement qui décrit l'attitude d'Ottawa comme une menace pour la démocratie et une infraction à la loi sur l'accès à l'information. Les scientifiques fédéraux doivent obtenir la permission afin de s'exprimer publiquement. Et il y a un rapport qui a été mis là, de 28 pages faisant état d'une série de situations et de plaintes là, vécues au sein de plusieurs agences et ministères comme Environnement Canada, l'Agence canadienne d'inspection des aliments et la Défense nationale. Ah, puis pour lui, la recherche fondamentale, c'est pas important. Il faut juste faire des trucs que l'industrie demande. Là, ouais. On est complètement trop... sont trop liés avec les commerçants, dans le fond. C'est mm-hmm. Faut que ce soit quelque chose de rentable et de payant dans la seconde. Là. Ah, c'est conservateur. Ridicule. Et finalement, les scientifiques ont manifesté devant le Parlement. Ça, c'était bien. C'est une chance. En juin 2013, ils ont dénoncé le mépris du gouvernement conservateur envers la science. Mm-hmm. Il y a aussi le regroupement Evidence for Democracy qui a apporté son droit de parole. Et comme je disais, ils s'étaient réunis dans la capitale pour organiser un cortège funèbre dénonçant ce qu'ils qualifient de « mort de la preuve scientifique ». Et finalement, au printemps dernier, le commissaire à l'information du Canada a ouvert une enquête sur les allégations de scientifiques fédéraux. L'enquête suit son cours. Et plus récemment, en octobre, le 21, il y a des 815 scientifiques provenant de 32 pays qui ont déploré le travail des scientifiques canadiens qui est entravé par les compressions dans les budgets. Il y a une lettre ouverte qui a été signée par des centaines d'Américains, qui sont d'ailleurs les partenaires les plus importants des scientifiques canadiens. Mm-hmm. Et cette publication de texte coïncidait avec le début de la Semaine nationale des sciences et des technologies qui avait été instituée par le gouvernement Harper, donc qui visait à intéresser les jeunes aux emplois scientifiques et à célébrer le rôle important du Canada en matière d'innovation. Et, complètement illogique. Ouais, donc, plus de 800 scientifiques qui critiquaient le Canada. Puis... juste un exemple des coupes. Attendez que je retrouve ceci. Oui. Et je ne le trouve pas. OK. Mais dans le fond, ils ont coupé précisément dans les recherches qui ont démontré en 2011 le plus grand trou dans la couche d'ozone en Arctique. Ça, c'est des experts canadiens qui ont trouvé ça. Et on a coupé exactement dans cette... On veut pas le savoir. On veut pas le savoir. On veut pas le savoir. On veut pas le voir non plus. Non. On veut pas le savoir. C'est sûr. Ce qu'on ne voit pas, on ne le sait pas, ça n'existe pas. Ouais, ouais. Hein? Et pour terminer, dans le fond, pour préparer mon introduction, je suis allé sur le site d'Environnement Canada pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Et puis là, section 5, stratégie de mise en œuvre du ministère. Okay. Il y a seulement deux paragraphes. J'y comprends rien, c'est tellement vide. Le développement durable et les activités relatives à la stratégie fédérale de développement durable font partie intégrante des programmes d'Environnement Canada. Le ministère a fait des efforts considérables pour harmoniser et intégrer les stratégies de mise en œuvre de la stratégie avec ses programmes, tel qu'il est défini par l'architecture d'alignement des programmes. Du vide, ça se peut pas, là. C'est tous des mots qui marchent, mais qui veulent juste dire blablabla. Je continue. Vas-y, excuse. Dans ce contexte, le cadre de mesure du rendement du ministère, c'est-à-dire les résultats attendus, les indicateurs de rendement et les cibles, pour des sous-programmes ou des sous-sous-programmes spécifiques, fournit les résultats attendus et les indicateurs pour les stratégies de mise en œuvre de stratégies fédérales de développement durable. Tandis que certaines cibles concernant des périodes ultérieures, les valeurs réelles relatives aux indicateurs, seront déclarées plus souvent, notamment chaque année. Ah, ben ouais! Ça dit tout. Un univers de mots dans un désert de sens. Tout à fait. C'est vraiment... Tu sais, tu vas sur Internet, générateur de phrases vides, là, puis c'est le genre de phrases qu'ils te donnent. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'inviter un scientifique pour nous parler vraiment à nous, parce que le gouvernement n'est pas capable de nous dire ce qui se passe en recherche. Et donc, Il ne veut pas non plus. Le gouvernement, je parle, il ne veut pas nous le dire. Non. Même s'il serait capable, il ne veut pas. Puis là, il y avait un autre paragraphe, là, section 6, juste le titre, là, « Écologisation des opérations gouvernementales ». Ouf! Et donc, je vous présente Pierre-Olivier. Salut, Pierre-Olivier. Qui se joint à nous. Oui, un peu plus proche. Bonjour aux auditeurs. Merci Denis, merci JF pour l'invitation. Oui. Peux-tu nous dire, dans le fond, dans quoi tu étudies et quels sont tes domaines de recherche? Alors oui, ben moi de formation, j'ai étudié en géographie à l'université à l'UQAM à Montréal. Et puis par la suite, j'ai fait une maîtrise en environnement à l'université de Sherbrooke. Et maintenant, j'entame ici un doctorat en biotechnologie valorisation biomasse à l'UQTR. Et puis, dans le fond, je me spécialise pour tout ce qui est la valorisation de la biomasse et ici au Centre intégré pâte et papier. Mm-hmm. Et dans le fond, moi, mon topo aujourd'hui, c'était sur, je l'ai divisé en trois. D'abord, les projets de pétroliers au Canada, je ne vais pas non plus répéter ce que Dominique Hamelin a dit il y a quelques semaines. Et par la suite, je vais parler des approvisionnements énergétiques sur la planète mondiale et puis aussi parler des pistes de solutions, ce qui a trait à la biomasse. Alors, pour ce qui a trait au projet pétrolier au Canada, il y a deux arguments en matière d'économie qui sont importants. C'est d'abord la notion du mal hollandais. Aujourd'hui, le Canada est devenu un pétro-pays. Et puis, l'augmentation de la production de pétrole fait en sorte qu'il y a une augmentation de la valeur du dollar. Et ça diminue notre compétitivité pour les provinces manufacturières comme le Québec et l'Ontario. Et donc, ça diminue le marché et également, ça diminue le nombre d'emplois. Et selon Jean-François Lisée, qui a sorti un papier en 2010, c'est jusqu'à 54 % des emplois manufacturiers qui ont été perdus au Canada en 2002 et 2007 l'ont été à cause du mal hollandais. Au Québec, c'est plus de 55 000 emplois qui ont été perdus à cause de l'augmentation du dollar provoquée par la production du pétrole dans l'Ouest. Et cela, ça continue. Et l'autre aspect aussi, c'est les subventions aux pétrolières. Entre 1970 et 2010, le Canada a investi près de 70 milliards dans l'industrie pétrolière et gazière. Et le Québec contribue à cela pour à peu près 20 % aux dépenses fédérales. Et donc, le contribuable québécois a déboursé près de 14 milliards en 40 ans dans l'industrie pétrolière. C'est quand même pas rien. Et si nous avions investi ces sommes-là au Québec dans les énergies vertes, selon Jean-François Lisée toujours, ce serait près de 8300 emplois dans les énergies vertes, des emplois durables qui auraient été créés de manière permanente. Et ceci dit, maintenant, j'aurais plus attaqué ce qui a trait à l'approvisionnement énergétique mondial. Alors, on change d'échelle, vraiment, on est à l'échelle mondiale. Il faut savoir que l'approvisionnement énergétique, c'est un enjeu qui va être de plus en plus important au cours des prochaines décennies. Présentement, c'est 80 % de notre consommation énergétique mondiale, c'est du fossile non renouvelable. Alors, du pétrole, du gaz, du charbon. Et le reste, 20 % c'est le nucléaire, la biomasse, l'hydraulique, l'éolien et le solaire. Et le nucléaire, ici, juste une petite parenthèse, l'énergie nucléaire est quand même une énergie fossile. Alors, il n'y en a pas à l'infini. Et le problème de l'utilisation des hydrocarbures comme on le fait, un double effet pernicieux, c'est que d'abord, vu que c'est un stock qui est limité, il y a une diminution progressive des ressources. Et le deuxième problème, c'est la dégradation de notre environnement. On parle de changement climatique, on parle également de pollution de l'eau, pollution des terres, pollution de l'air. Et la diminution des ressources d'hydrocarbures fait en sorte que les gisements sont de plus en plus difficiles à exploiter. À ce temps, aux États-Unis, c'est surtout des huiles de schiste, c'est du pétrole non conventionnel qu'ils appellent, les sables bitumineux, comme dans l'Ouest canadien, le pétrole offshore de très, très grande profondeur dans l'océan, ou même le forage en Arctique. On voit que ce type d'exploitation pétrolière est beaucoup plus difficile, beaucoup plus coûteuse. Et selon l'Agence internationale de l'énergie, l'investissement global cumulé en approvisionnement énergétique pour les 21 prochaines années jusqu'en 2035 va totaliser 48 000 milliards de dollars. C'est un chiffre comme ça qu'on lance, mais juste en comparaison, le PIB mondial de l'année 2012 était de 72 000 milliards. Alors, c'est tout en dollars constants 2012, ça va nous coûter 48 000 milliards jusqu'en 2035, pour maintenir les approvisionnements énergétiques mondiaux. Et c'est l'équivalent du 2/3 du PIB de l'année 2012. Ce 48 000 milliards-là, où va aller l'argent? Le maintien des approvisionnements pour compenser la diminution de la production des champs pétrolifères et gaziers mondiaux, le renouvellement des centrales électriques, comme les centrales nucléaires et autres, et aussi le réseau de distribution, qui a une durée de vie peut-être 40 ans, 50 ans. Après ça, il faut les changer, il faut faire la réfection des centrales. Il y a l'augmentation de la demande issue de la croissance économique et démographique, et il y a également aussi tous les investissements dans l'efficacité énergétique. Donc, on voit que le coût en augmentant du prix de l'énergie va accaparer un certain pourcentage du PIB mondial d'ici 2035 et au-delà. Donc, il va y avoir certaines difficultés à obtenir de la croissance économique dans les années futures. Ça m'amène à vous parler du pic du pétrole. On parle du pic du pétrole, il paraît qu'on aurait franchi le pic du pétrole conventionnel. Le pétrole conventionnel, c'est comme en Arabie Saoudite, où on fore un trou, le pétrole sort tout seul. Et il y a également le pétrole non conventionnel, comme j'ai nommé, pétrole et sable bitumineux, puis aussi les huiles de schiste, comme aux États-Unis. Et le pic du pétrole serait censé d'être conventionnel et non conventionnel d'ici à peu près 2030, un peu avant. Après ça, on va avoir une décision très importante à prendre. Est-ce qu'on décide de liquéfier le charbon? Et si on décide de liquéfier le charbon, c'est des technologies qui sont déjà connues. L'Allemagne l'utilisait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Si on liquéfie le charbon, le pic de l'énergie at large, alors pétrole, gaz, charbon, nucléaire et même énergie renouvelable, serait aux alentours de 2040-2070, selon les spécialistes. Et maintenant, le pic de l'énergie, qu'est-ce que ça implique? C'est que dans un monde en croissance matérielle, nos capacités de transformation du monde vont se mettre à décliner. Et l'économie croît 1-2% par année, la démographie mondiale croît d'environ 1% par année. Et la question, c'est comment une économie basée sur la croissance peut gérer l'absence de croissance? Une croissance nulle, même une croissance négative. Et à ça, il faut coupler aussi l'aspect du pic des matériaux, parce qu'on a le pic de l'énergie, mais on a également le pic de certains matériaux, comme par exemple l'or, le matériel, l'or. Le pic serait aux alentours de 2025. Le pic du cuivre serait aux alentours de 2040. Le pic du phosphate, qui est si important pour l'agriculture, serait entre 2030-2040. Et il y a même les terres rares, les 17 éléments du tableau périodique, les terres rares, comme le néodyme, qui rentre dans la conception des éoliennes, des ordinateurs, des téléphones cellulaires, name it, serait d'ici 2020. Là. Ça dépend des terres rares, parce qu'il y en a 17. Certaines, ça va être avant, d'autres vont être par la suite. Puis quand tu parles du pic, là, c'est-à-dire que à partir de cette date-là, ça commence à décroître. Il en reste moins que ce qu'on a utilisé? Ça sera plus économiquement viable d'exploiter ces ressources-là. Ils vont être trop diffuses dans l'environnement. Comme mettons de l'or, il y en a dans l'océan, des très grandes quantités, sauf qu'aller chercher de l'or dans l'océan... Ça va coûter plus cher qu'est-ce que ça rapporte. Ça va coûter plus cher qu'est-ce que ça va rapporter. Et la demande en ressources est exponentielle. À 1% de croissance par année, on dédouble la demande en 70 ans. Ça, c'est des lois mathématiques. Mm-hmm. 1%, un dédoublement à tous les 70 ans. La Terre, malheureusement, est un système fini et on ne peut pas augmenter le contenu au-delà de la capacité d'un contenant. Même si on essaie très fort, c'est pas possible. Donc, on va vers la raréfaction des ressources. Il va falloir faire la gestion de cette raréfaction. Il va y avoir un prix lié à ça. Et il faut vous prévenir, il faut se préparer à ce genre de choses. Et maintenant, je ne vais pas être non plus trop négatif, je voulais également aussi parler des solutions et des alternatives. Moi, je me spécialise pour tout ce qui est la biomasse. Et face à ces problèmes, la société va devoir progressivement s'adapter. Et une partie de la solution aux problèmes que j'ai nommés réside dans les capacités d'adaptation de l'industrie et de nos gouvernements. Actuellement, la société est largement basée sur la pétrochimie, comme j'ai fait la démonstration avant. Le raffinage du pétrole, les plastiques, les engrais sont à base de pétrole, les solvants, les détergents, les médicaments, les cosmétiques, etc. Tous faits à partir du pétrole. L'idée serait de progressivement faire une transition des hydrocarbures non renouvelables vers des résidus organiques que eux seraient renouvelables. On parle de biomasse. On parle de transférer la pétrochimie vers la chimie durable, communément appelée également la chimie verte. Et ça, j'ai une définition ici qui vient d'un centre de recherche. Favorise l'emploi des ressources renouvelables telles que la biomasse, l'optimisation des procédés chimiques, la prise en compte de tout le cycle de vie du produit, du berceau jusqu'au berceau. c'est-à-dire des intrants d'un cycle jusqu'aux intrants du cycle suivant. C'est du biomimétisme, on imite la nature. Qu'est-ce que la nature fait depuis toujours. Et maintenant, qu'est-ce que la biomasse? On parle de biomasse. C'est des résidus agricoles, comme par exemple pour la culture du maïs. Une fois que ton maïs est poussé, les grains de maïs, consommation humaine ou animale, mais tout le reste de la plante, les feuilles, les tiges, les cœurs d'épi, le coton, ouais. Tout ça, c'est possible d'être valorisé. Et on parle également de résidus forestiers, tous les résidus de coupe, la tête de l'arbre, les branches, l'écorce, ce genre de choses. Également aussi, on parle de microalgues, comme il est possible d'utiliser des eaux usées industrielles, qui ont des eaux usées organiques, avec des matières organiques à l'intérieur, comme milieu de culture à des microalgues. Les microalgues vont proliférer, croître dans les eaux usées, et puis il est possible de récolter ces microalgues-là par la suite et de les transformer pour faire différents types de molécules à valeur ajoutée, comme des huiles, on peut faire des surfactants, on peut faire des lubrifiants, et etc. Et également, c'est possible, les résidus organiques municipaux, comme on parle de plus en plus de compost, faire le compost à la maison, là. Alors c'est possible de récupérer ces matières-là et de les transformer. On parle aussi de boue de station d'épuration ou même de déchets dédiés à l'enfouissement que c'est possible de gazifier et de récupérer du gaz qu'on peut brûler pour faire de l'énergie. Selon le U.S. Department of Energy, aux États-Unis, ça serait près de 85 milliards de gallons de biocarburant par année qui serait possible d'aller chercher sur l'ensemble du territoire. Et ça, c'est pas rien parce que ça équivaut à 30% de la consommation du pays. Alors, le tiers à peu près de la consommation des États-Unis pourrait venir de la biomasse. Et maintenant, on va parler des effets bénéfiques liés à l'exploitation de la biomasse, parce qu'il y a autant des effets qui sont du point de vue économique, du point de vue social et environnemental. Du point de vue économique, il y a l'aspect, toute une communauté qui serait dotée d'une bioraffinerie avec un réseau de fournisseurs de biomasse. Ça permettrait de générer de la valeur, de générer de l'argent, ce qui permet de diversifier l'économie et ça favorise également la création d'emplois dans les régions, dans les milieux ruraux pour les communautés. Et également aussi, une bioraffinerie offre une sécurité pour certains types d'approvisionnement, comme certaines molécules, des engrais, des aliments pour animaux, de la bioénergie, des biocarburants. Et surtout dans un contexte où les risques et incertitudes sur les ressources naturelles sont de plus en plus grands, comme j'ai montré un peu plus tôt. Du point de vue social, la création de valeur qui permettrait d'augmenter les revenus des agriculteurs, ce qui favorise la relève agricole et le transfert des terres entre les générations. On a un problème présentement au Québec, le phénomène d'accaparement des terres à des fins spéculatives, surtout par des pays asiatiques notamment, et le coût des terres au Québec est moins dispendieux qu'ailleurs dans le monde. Donc, la biomasse assurerait une certaine pérennité de l'occupation du territoire agricole par les résidents, en plus d'offrir, encore une fois, la sécurité des approvisionnements alimentaires et énergétiques sur le long terme. Du point de vue environnemental, les bienfaits, la mise en place d'une bioraffinerie est un moyen de mettre en place des bonnes pratiques en matière de gestion des ressources organiques qui sont renouvelables. Et l'exploitation de la biomasse permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. La biomasse est carboneutre. Et ça permet également de favoriser la biodiversité et les habitats fauniques. Ça augmente la présence du carbone organique dans les sols. Ça réduit l'érosion des sols. Ça réduit également l'utilisation et la migration des engrais. Et ça améliore la qualité de l'eau. Et tout ça, ça... extrêmement important à l'avenir, et puis c'est cela. Ben, moi, je pense que quand je t'entends, c'est la raison pourquoi les scientifiques doivent absolument se compromettre dans le débat public, parce que les gens le savent pas, puis ce qu'on nous fait à croire par les médias, puis par la façon de le croire, que justement, il y a comme pas d'autre façon de faire, puis le commun des mortels, il connaît pas tout ça, il se fait rentrer dans la tête que ça prend du plastique puis du pétrole depuis toujours. Fait que il faut que les scientifiques se mettent sur la scène publique puis fassent passer leur message. Ça, c'est... En tout cas, je peux... merci beaucoup de toutes les formations que tu nous as données. Parce que finalement, les solutions alternatives sont existent. Là. C'est ça. Absolument. Puis même, j'ai vu aujourd'hui sur Cyberpresse, il y a Saint-Hyacinthe qui va commencer à produire de l'énergie à partir de résidus et de déchets. Donc, c'est quand même des bonnes initiatives qu'on a déjà commencé au Québec. J'espère que le... Mais je comprends pas... Que les gouvernements fédéraux nous écoutent. Mais je comprends pas, à moins que tu aies 90 ans, là, de pas vouloir faire le move-là. Là. Ouais, t'sais, non, c'est ça. T'sais, c'est ça, si tu as 90 ans et tu es sur le bord de mourir, bon, c'est pas très grave pour toi, ça change rien, même malgré que tes enfants vont périr là-dedans. Là. Ouais. Mais je comprends pas que même des politiciens qui sont pas nécessairement si âgés, là, dans soixantaine, ils comprennent pas que c'est pas loin. Là. On est en 2014, puis tu nous dis que c'est des pics qu'on atteint, qui sont 2020, 2030. Ouais. Ils vont être là encore, tu sais. C'est comme incompréhensible. Je crois que c'est du point de vue des investisseurs. Tout ça, c'est des technologies qui apparaissent risquées et ils veulent pas nécessairement... Il n'y a pas les capitaux spéculatifs pour de risque. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas de précédent dans le sens. C'est un peu ça. Il n'y a pas de précédent. Non, non, effectivement. C'est ça qui arrive. Ça, c'est des problèmes qu'on n'a jamais eu à gérer. Et puis, tout ça est nouveau. Sauf que des fonds de risque pour financer ce genre d'initiative... Il n'y en a pas des masses. Non, c'est ça. Il y en a beaucoup des fonds de risque pour le pétrole et puis les hydrocarbures. Mais pour tout ce qui a trait à les énergies vertes, les énergies renouvelables, tout ça n'est pas encore très, très populaire. Non, même on essaie de le nuire. T'sais, je veux dire, avec tout ce qui a, comment ça a été long avant que la voiture électrique arrive, c'est plutôt même c'est plutôt le marché puis les investisseurs qui essaient de nuire puis de mettre les bâtons dans les roues parce que ça défait leur monopole finalement. Et on n'a pas un prix de l'essence présentement qui aide les énergies renouvelables. Le prix n'a jamais été aussi bas depuis 2009-2010, je crois, est à la pompe, t'as quoi, une 20, le plus bas en 5 ans, depuis 5 ans. Le baril est à genre 70$, c'est-à-dire il va falloir que tout ça augmente pour qu'il y aille... Un changement. Ouais. Donc, tout ça, pourquoi? Parce qu'on appartient encore au Canada et qu'il y a un prix politique à ça. C'est eux qui décident pour nous. Un jour, il va falloir avoir le cran de se prendre en main nous-mêmes et qu'on pourra prendre nos décisions, de ne pas attendre les pics pour agir. Et remettre chez nous. Et c'est pour ça qu'on a décidé de vous présenter une pièce de Québec Redneck Bluegrass Project sur leur premier album et qui s'intitule « J'suis à côté de la traque ». Parce que le Canada, en matière d'environnement, il est vraiment à côté de la traque. Merci, messieurs. De rien. On va écouter ça tout de suite. Je suis à côté de la traque, j'écoute, je suis à côté de la traque, j'écoute, je suis à côté de la traque, j'écoute, je suis à côté de la traque, je suis à côté de la traque, j'écoute, je suis à côté de la traque, j'écoute, je suis à côté de la traque, j'écoute, je suis à côté de la traque, je suis m'assire à côté d'elle. La traque est toute de pâte de fringara, je mange ma mère, je peigne d'autres caves, je m'assire à côté d'elle. La traque se m'alimente l'envie de lever le cap. Elle s'en marque qu'elle me dépaye sa map. Elle s'en m'alimente l'envie de lever le cap. Elle s'en marque qu'elle me dépaye sa map. Fait que je vois le goût du blues, ton vieux un garcin. Je vois le goût du blues sans cesse, c'est une meuble. Mais si tous mes poutres à corps font pas ben ben peine. Même si je suis pas en prison, que je travaille pas sur un champ de coton. Même si je suis pas en prison, que je travaille pas sur un champ de coton. Et toi, c'est que je me plains, bouche pleine. Au Canada, Doyle, Roteux, t'as 50 cents. Nous, c'est une pièce pour les hommes de gueule. Sinon c'est rempli d'eau venin qu'on nage, je trouve gras comme un voleur. Sinon c'est rempli d'eau venin qu'on nage, je trouve gras comme un voleur. Ouais, j'ai des gâteaux. Je suis à côté de la traque, je suis à côté de la traque, j'écoute et j't'à côté de la traque, j'écoute et j't'à côté de la traque, j't'à côté de la traque, j'écoute et j't'à côté de la traque, j'écoute et j't'à côté de la traque, j'écoute et j't'à côté de la traque. Ouais, j'vois là qu'un ciel bleu contraste avec mes idées noires. J'vois là quand j'suis capable d'avoir le monde jamais sous toi, toi. Sans cette place où j'peux gratter puis chanter n'importe quoi. Tant qu'il y a un maudit Vatican qui vient me demander c'est quoi. T'arrêtes de me demander si j'joue du québécois. Tiens, y'a un maudit Vatican qui vient me demander c'est quoi. T'arrêtes de me demander si j'joue du québécois. Ah, de you, tu penses que je viens? Ah, du québécois pour toi, ça doit être encore du poil fiché. Malheureux innocent que tu me tapes sa couenne. Malheureux innocent que tu me tapes sa couenne. Malheureux innocent que tu me tapes sa couenne. Malheureux innocent que tu me tapes sa couenne. J'suis bien trop magané pour qu'il fasse beau, même. Tout le monde est de bonne humeur, on dirait qu'il y a que moi qui fais simple. C'est une journée pour être sur le bord de l'eau. Pas en pleine alerte au smog avec un mal sio. Pas en pleine alerte au smog avec un mal sio. Pas en pleine alerte au smog avec un mal sio. Pas en pleine alerte au smog avec un mal sio. Tabarnak qui est ta garde, quand tu penses tout est sur le bord d'arracher. Moi j'suis bord de m'arracher, ouais tout à ses côtés. Moi j'suis bord de pousser tout à ses côtés. Moi j'suis bord de m'arracher, ouais tout à ses côtés. Moi j'suis bord de pousser tout à ses côtés. Si le soleil est pas necté par la lune, par une cellule orageuse ou une couche de brume, je jump dans le train avec comme seul bagage ma guitare, puis mon fumage, à ma guitare, puis mon fumage, à ma guitare, puis mon fumage, à ma guitare, puis mon fumage. Y'a une petite dans ma chambre qui me dit quitte ton port d'attache. Y'a une petite dans ma chambre qui me dit qu'est-ce que t'es vache. Oh, y'a des gels d'on, pis j'en t'en wagon. Mais non, je reste malgré la dépression. Mais non, je reste malgré la dépression. Mais non, je reste malgré la dépression. Mais non, je reste malgré la dépression. Écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez lecestfou.ca. Jean-Antoine Rioux qui peut prendre des chips, hein? Ah, c'est gentil, mais j'ai une surprise pour vous, en fait, ce matin. Fait que je mangerai pas de chips, j'en mangeais moi aussi. J'espère que vous n'avez pas trop mangé de chips, en fait. Non, juste deux poignées. Pour vrai? Oui. Okay. Ben quand même, j'ai hâte de commencer cette chronique-là. Je pense qu'on devrait arrêter de divaguer et y aller avec la chronique du Club Pédale avec UTL. Je pense que je vais vous demander mon intro. micro en capsule audio pour l'écouter en dehors de ouais. la radio. Tu devrais. Je pourrais. Écoute pas ça en auto, là, tu vas faire des folies. C'est ça. Ça sent la passe de bric-à-bras. C'est donc la chronique du Club Pélère UQTR. Charles-Antoine Rioux qu'on reçoit normalement aux deux semaines. Ça non, fait non, deux semaines de suite. De suite. Ça, c'est mon erreur. On se garde. Non. C'est... On revient pas sur le passé. On fait juste en reprendre plus de toi. T'sais. De quoi? Il est pas supposé être... Ben, va-t'en. Va-t'en. Non, c'est la semaine passée, je suis pas supposé être là, ouais. C'est ça. Ben, c'est mes... Votez à retardement. C'est ça. Mange la merde dans le passé. aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on parle, Charles-Antoine? Ce matin, on parle d'alimentation en plein air. Okay. En fait. Ah? C'est quelque chose qu'on croirait anodin, mais comme beaucoup, beaucoup de sports, en fait, comme dans la plupart de toutes les disciplines plus sportives, l'alimentation, ça vaut pour une grosse portion d'une bonne performance, mais aussi d'un bon mode de vie. Puis souvent en plein air, contrairement à beaucoup d'autres sports, habituellement quand on fait des sports comme du volleyball, plus traditionnel si on veut, basketball et autres, c'est des fortes intensités en petite, mais avec une courte durée. Mm-hmm. Donc c'est quelques heures, mais on se donne vraiment à fond. Mm. Malgré ça, le corps a quand même besoin de plus d'énergie que si on faisait rien. Ça c'est normal. Ben oui. En plein air, par contre, c'est souvent un peu plus faible intensité, mais à des plus longues durées. Puis des fois, ça va même jusqu'à des très, très longues durées, comme des expéditions, par exemple. Et c'est dans des moments comme ça que l'alimentation devient extrêmement importante. Parce qu'il faut vraiment avoir toute l'énergie nécessaire pour pouvoir continuer ce qu'on fait. Et surtout, en quantité suffisante et la bonne sorte d'énergie. Puis là, on ne rentrera pas dans les lipides, glucides et lipides et tout ça. C'est pas ça le but un peu. C'est juste de réfléchir un peu au fait que si je pars deux mois en randonnée pédestre, ben il faut que je transporte ma bouffe pour quand même plusieurs jours. Je peux juste avoir deux mois complets, je peux avoir des ravitaillements au fur et à mesure. Et là, ça pose problème. Parce que une chose qu'on traîne très rarement en randonnée en plein air, ben c'est un frigo. Effectivement, c'est relativement bon rare. Et c'est dur à transporter des aliments frais qui sont souvent beaucoup plus riches en vitamines et en nutriments, sont toujours plus pesants qu'un aliment qui a été conservé. Et là, il y a plusieurs façons de conserver les aliments, mais chacune des façons, on va toujours perdre un petit peu des bons nutriments dans la nourriture. Quand on fait cuire des légumes, on perd souvent toutes les vitamines. Fait que même la cuisson à la maison, c'est pas ce qu'il y a de plus santé. Il y a plusieurs d'autres façons de conserver des aliments. Je ne sais pas si vous avez des idées en tête. La conservation des aliments, le sel. Le sel, le salage, effectivement. C'est très dur, par contre, parce que ça prend beaucoup d'eau. Absolument, il faut les dessaler après, avant de les manger. Il faut tes trempes dans le lac ou tes têtes vraiment longtemps. Tes têtes, tes mâches tranquillement. Ou il faut vraiment que tu aimes ça salé, mais... Le séchage. Le séchage est un très, très bon. Mais le séchage, même à basse température, on va encore perdre l'espèce de toutes les vitamines, tes bons nutriments ou une bonne partie dans la nourriture. Mais c'est quand même le plus classique. C'est utilisé, c'est déshydratation, effectivement. Est-ce que c'est le jerky, ce style? Oui, c'est le jerky un peu, ouais. Sinon, les pommassons, c'est le Les pommassons, c'en est un. C'est que les pommassons dans un sac à dos, ça cogne souvent ensemble, c'est pas super intéressant. Sinon, il y a aussi le fumage, le faire fumer la nourriture comme les Brésiliens le faisaient. Avec les grenouilles aussi, qu'on peut faire ça. Oui, ça explose. Mais ça, c'est pas pour les manger dans ce temps-là. Ah non, OK. Comme du saumon fumé, par exemple, ou autre. C'est une bonne façon de conserver, mais on a encore le problème avec le fumage, c'est que quand même assez pesant, puis comme c'est de la chaleur, on perd encore un peu. Et il y a, depuis quelques années, une nouvelle technique qui a été inventée. La démolécularisation. T'es pas loin. Hein? Vrai? Parce que ça reste moléculé. Ça reste un agrégat moléculaire. En tout cas, ils sont encore... sont indémolécularisés. Petit pot de beurre, j'étais bien pour me résurer. Mais, sans faire, c'est vraiment une méthode scientifique par laquelle ils sont passés. Ça s'appelle la lyophilisation. Wow. Puis c'est vraiment spécial parce que quand on y pense, quand on déshydrate un aliment, l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux par la chaleur, et là, on perd des nutriments à cause de la chaleur. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vont congeler les aliments. Peu importe ce que c'est, ça peut être des œufs, ça peut être de la viande, ça peut être vraiment des pâtes, ça peut être n'importe quoi. Et une fois congelés, ils vont les mettre sous vide. Ça fait que l'eau qui est dans l'aliment, qui est rendue de la glace, en fait, va passer de l'état solide à l'état gazeux par le fait d'être sous vide. Et là, ce procédé-là s'appelle la sublimation, parce que l'eau s'évapore, mais la glace se sublime. Allez, secondaire 4. Secondaire 4, en plein ça. Allez. Et par la sublimation, il n'y a pas de chaleur impliquée. On perd aucun nutriment des aliments. On ne perd pas les textures non plus. du jerky, une fois que c'est séché, c'est sec, oui. C'est dur à mâcher. Mais de la viande lyophilisée qu'on va réhydrater avec un peu d'eau va avoir la même texture qu'elle avait avant d'être lyophilisée. Ah. C'est super intéressant. Et puis, il y a beaucoup de compagnies qui en vendent et c'est assez abordable. Et ce matin, on a la chance d'avoir une commandite en studio, ouais, du magasin Atmosphère sur des Récollets. Et j'ai apporté différentes variétés de nourriture lyophilisée à vous faire goûter. On va pouvoir essayer. Cool. J'ai un déjeuner, j'ai un repas et j'ai même un dessert. Et on a aussi un sachet à faire tirer. En fait, je vais vous montrer celui-là. Parce que je sais, on a fait tirer un gelé en onde l'info que ça avait marché. Ben oui. Ce matin, on a un sachet de pad thai lyophilisé à faire tirer en onde. Donc, pendant que je vais déguster, on pourrait quand même. Je ne sais pas si ce serait mieux de donner le numéro maintenant. On peut le donner maintenant, mais les gens vont devoir attendre à la fin de la chronique pour appeler. Mais ça va être le 819-376-5183. Pour les gens qui nous écoutent le mardi, on est le 2 décembre. Donc, il est à 8h09. Donc, retenez le numéro 819-376-5183 à la toute fin de la chronique. Moi, je veux savoir, ça se conserve combien de temps sur un paquet? En paquet comme ça, si... Démolécularisé de même. Si le paquet est bien conservé, ça veut dire pas à des hautes températures, disons dans un garde-manger, une température ambiante normale, dans un tablette. Tablette, dans un endroit sec, pas dans l'eau, mettons, ça peut être jusqu'à 5 à 6 ans de conservation. Et le poids est quand même surprenant. Et ça, c'est des portions... Pour une personne, une portion comme ça, même une personne comme moi a plus faim après. C'est un petit peu plus, mettons, c'est je dirais quasiment du 8,5 par 11, un petit peu moins que ça. Un petit peu moins que ça, oui, comme grandeur. Et ça, tout ce qu'on a à faire, c'est faire bouillir de l'eau et ajouter l'eau dedans, brasser un peu, attendre 10 minutes et tout se réhydrate tout seul. Okay. Faut juste pas mettre trop d'eau parce qu'on a une soupe à place d'un repas. Mais ça pourrait être pire qu'avoir une soupe. Là. Oui, là, ça pourrait être pire. Là, c'est pas si pire que ça. Puis vous allez voir, le goût est quand même assez intéressant. Donc je vais vous passer vos instruments de dégustation. Merci. Le goût est en feu sur l'emballage. On n'a pas de fork. Ça va aller mieux avec des cuillères. Spork, La spork, ça c'est comme le. L'an dernier, j'ai fait une chronique montée de lait sur l'équipement de tanneur inutile. Ouais. Et la spork était mon numéro 1. Hein, parce que t'as comme pas assez de récipients pour scooper comme une bonne cuillère. T'as pas assez de dents pour piquer comme une bonne fourchette. Fait que c'est comme le pire des deux mondes. Moi, je suis pas d'accord. La mienne est rose, puis je l'ai. Les apparences de ta spork. Donc, on va commencer avec une omelette bandito. Des œufs brouillés bandito lyophilisés. Donc, c'est des œufs qui sont crus, qu'on va lyophiliser. Et quand on les réhydrate, ça fait comme des œufs, en fait, qui auraient été battus. Sauf que c'est comme... Ils ont pas été cuits, mais il y a plus de danger à consommer cru. On peut les faire cuire par après. Puis Benzo, c'est qu'elle est un petit peu épicée, mais pas tant que ça. Donc, je vais mettre à goûter. Et là, toi, t'as déjà fait le principe, oui. Tu l'as remis dans le sac. Après ça, c'est que j'ai fait bouillir de l'eau. Avant de partir de la maison, j'ai mis l'eau. J'ai fait bouillir. L'odeur, puis... c'est... Ah, Seigneur! Ben, ça sent chaud. ça sent juste chaud. Parce que c'est encore chaud parce que tu viens juste de le faire avant l'émission. En fait, ça fait près de 10 minutes. J'habite pas très loin, donc ça a été assez rapide. On va le passer par là-bas. Moi, ça sera peut-être mieux par là-bas. Pour faire des dégâts. Je trosse même pas le couloir magique. Alors, je sais pas, hein? C'est bizarre, l'odeur, moi j'aime bien l'odeur quand même. Moi je suis stressée. Je vais me rendre jusqu'au fond du sac. Hein. Dépêche-toi, je dégoûte, là. Wow. Je dégoûte dans ma main. C'est ça, il y a quand même des légumes dedans et tout, mais c'est ça qui est assez intéressant. Je vais pas faire de dégâts, moi. Attention. On goûte? Tu es prêt? Ok, go! Bon! C'est bon, hein? Ben ouais! T'as pas ça si mal? C'est meilleur que ce que ça a l'air, en tout cas. Oui, absolument. C'est sûr que le visuel est pas super beau. Là, non. Comment trouvez-vous la texture? Hein? J'aille pas ça. On dirait que je croque les légumes. Ouais, il y a quand même du croquant. Mm-hmm. Ouais, c'est meilleur que des affaires que je mange comme à maison, en parfait célibataire. Et puis là, en fait... T'as pas pensé t'acheter des paquets comme ça, Mathieu? En théorie, l'œuf, en ce moment, était même pas cuit encore. On aurait pu le faire cuire, faire vraiment comme un œuf brouillé avec, si on aurait voulu, mais ça se mange comme ça. Mais ça se consomme comme bien. Ça aussi. Hein. Mm-hmm. C'est assez intéressant. C'est très piquant, en plus. Un petit spicy. Oui, c'est vrai, il y a un petit... C'est une ration comme ça, c'est vraiment pour une personne. Ça varie entre 5 et 10 $ la portion. Okay. Donc, c'est plus dispendieux un peu qu'un repas normal. C'est sûr que... Si on part pas très longtemps et on a le choix de nourriture fraîche et la nourriture qui est conservée, c'est toujours mieux la nourriture fraîche. Ouais. Mais c'est quand même le fun d'avoir. Puis dans le temps, les premières compagnies qui faisaient ça, c'était super nourrissant. Puis ça, c'est encore très nourrissant. mais c'était pas mangeable dans les premières fois. Et là, c'est le fun d'avoir des compagnies qui partent un peu puis qui nous permettent justement d'avoir de la nourriture qui est, qu'on peut vraiment apprécier malgré tout. Ouais, c'est cool. Puis en plus, faible en sodium. Hein, oui, faible en sodium, mais oui, sans gluten. Donc, ça a vraiment marché de la clientèle, peu importe. On trouve vraiment de tout. Génial. L'œuf brouillé Banditos. Banditos, de la compagnie Alpine Air Foods. En fait, il y a à peu près une 75aine de repas différents qu'on peut trouver dans les magasins de plein air habituellement, assez facilement. Plusieurs compagnies, puis on peut même en commander en ligne. Il y a même une compagnie québécoise qui s'appelle Happy Yak, qui est assez récente. Eux autres ne vendent pas en magasin, mais on ne commande qu'en ligne. C'est tout au Québec, c'est lyophilisé encore une fois. Puis si on en commande assez en grande quantité ou vous êtes prêt à attendre un peu plus longtemps, la livraison est gratuite, c'est vraiment intéressant. Puis la qualité des repas, on va jusqu'à des sautés de crevettes et des choses assez intéressantes comme ça. Ça peut être fun. Du fancy, toi. Du fancy. C'est, hein. C'est du glamping. Tu sais, pour écœurer les ours. Hein, quand... Il a dit du glamping. C'est comme du camping glamour. Ouais, du glamping. C'est très bon. J'ai le deuxième repas à vous faire goûter aussi. Celui-ci, c'est un macaroni au fromage. Oh! Ouais, le classique mac and cheese de plein air. Yes. Donc, il est encore bien chaud. La texture va être un petit peu mieux, je pense. Vous allez apprécier ça, vous allez voir. Et là, les pâtes ont été pré-cuites, bouillies dans l'eau, okay. Lyophilisées par après et réhydratées. On voit pas la texture à l'origine sans l'eau parce que tu peux pas amener deux sacs de chacun. Non, c'est ça. Mais ça a vraiment l'air de poudre ou de mouton très condensé, très sec. Okay. Quand c'est sec absolument. Okay. Donc le sac en plus est plus mince. Oui, il est plus mince. Plus. Effectivement, c'est sûr qu'il y a de l'eau dedans, fait qu'il est plus gros. Un peu comme celui qu'on va faire tirer tantôt. Oui, exactement. Ça sent vraiment le Kraft Dinner. Ouais, ça en faire, c'est pas pire. Ah oui. Ça sent parfaitement le Kraft Dinner. Une grosse poche de Kraft Dinner. Une grosse poche de Kraft Dinner à 10$. Hein, sans-les, tu vas voir. Sans-les, tu vas voir. Pareil, oui. Pareil, hein? Exact. Prêt? Je connais ça, tu sais, le Kraft Dinner. Allons-y. Ah oui, c'est parfait. C'est parfait. Comment tu trouves la texture des pâtes est quand même pas pire. C'est très bon. C'est un petit peu plus croquant que ce que je fais d'habitude comme Kraft Dinner. Ah, toi, tu le préfères. T'es pas du genre pâte al dente. C'est très mou. Très mou. Ils sont très al dente puis c'est très bon. Mm-hmm. Donc, on s'entend, t'es dans le bois, là. Ouais, c'est ça ou une fougère. C'est clairement ça. Moi, je prends ça. Là. Oui, c'est bon. Donc, voilà. Puis. Mm. Ça, c'est pour le mac and cheese. Et ils vont juste quand même faire des desserts. Donc, on a vraiment les desserts classiques santé. On parle des fruits, comme une belle portion de fruits lyophilisés, déshydratés. Mais on a aussi des choses assez intéressantes, comme de la crème glacée lyophilisée. Ben non! Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est que peu importe la texture ou la température de la base de l'aliment, c'est quelque chose qui fondrait normalement une fois lyophilisée. On a tout enlevé l'eau, fait qu'il reste vraiment juste... Le reste des éléments dedans. Et là, c'est de la napolitaine. Donc, il y a trois couleurs. Et ça, est-ce qu'on voit la séparation? Oui, on voit la séparation, je vais vous montrer. Mais lui, t'as vu, il l'ouvre, il n'a jamais été ouvert. Oui, non, ceux-là, en fait, on n'a pas besoin de les réhydrater la plupart du temps. Voyez-vous, c'est un petit sac comme ça. C'est comme un sandwich à la crème glacée, ou non? C'est un bloc. Quand on l'ouvre, c'est comme ceci. Je vais vous montrer. On a vraiment une bande de trois couleurs, comme la classique napolitaine. OK. Mais elle est solide. Oui, c'est comme des petites biscottes ou des... En plein ça, c'est vraiment comme un petit biscuit. Je vais vous faire goûter. On va commencer avec la fraise. C'est même bizarre, ça. Tu manges ça de même? Oui, juste comme, salé, juste comme ça. En plein ça, vous allez voir. On dirait une roche. Merci. Aïe, aïe. Okay. Ah, mais ça sent bon. Ça sent sucré, la fraise. Fait qu'on se met ça dans la bouche. Ah oui, au complet. Okay. Faut que je laisse fondre, hein? Ouais, c'est ça, c'est un peu long. On peut croquer un peu aussi. Hein. Ouais. C'est rare que je croque dans de la crème glacée comme ça. Ça va fraudant. Même, t'as la saveur, t'as le crémeux. Mm-hmm. Ça passe bien. T'as pas la sensation froide, évidemment. Non, effectivement. Puis y a pas le brain freeze qui vient avec, ça mange trop vite. Non, même si c'était fait abattu de l'œil en la. Ça, c'est parce que j'ouvre ma bouche grasse, j'avais un gros morceau. Le veux essayer vanille? Oui, c'est mais c'est vraiment bon. Moi, j'adore ça. C'est comme une sensation de peut-être pas de guimauve, mais quelque chose comme ça, un peu. Moi, ouais, c'est vrai, c'est un peu comme de la guimauve séchée. Un peu comme, moi, je pense que ça ressemble un peu à la meringue, si on veut, une meringue très sec quand on rentre dedans. Là. Exact. Même texture. Ah oui, tellement. Mais vraiment avec le goût de la crème glacée, puis c'est ça qui est assez intéressant. C'est fun, ça. Je suis complètement fasciné par la crème glacée. Mmh. Et mon préféré, c'est le chocolat. Ah, oh. Ah, c'est clair. Dans la classique napolitaine. C'est beau, c'est des beaux petits morceaux. On dirait un morceau de craie que tu mets dans la bouche, mais bon. À la base, c'est un procédé de conservation qui a été inventé pour les astronautes. Okay. Pour dans l'espace. Ah. C'est vraiment c'est souvent la NASA qui ont assez de budget pour faire des expérimentations de conservation comme ça, alimentaire. Puis c'est ça. Fait que le but, juste acheter de l'eau. C'est vraiment... Ça doit pas être évident de se faire un cornet avec ça? Non. Ah. Non, c'est pas... C'est, quand t'as réhydrate, ça te fait plus une... Une boîte. Ouais, c'est ça. Ça fait comme ton bol de crème glacée que t'as laissé sur le comptoir un peu trop longtemps. Mais c'est le meilleur bout, ça. De pouvoir boire la fin de ton bol. La fin du bol. Mais le chocolat, mon préféré des trois, c'est sûr. Je pense que t'as bien fini avec le chocolat. Alors, je pense que c'était la fraise, étonnamment. Ah ouais? Ouais. Napolitaine. Tout est bon. Miam. Puis évidemment, quand on concorde, c'est un peu goûter aux trois ensemble. C'est ça qui est... Mais pas avec le macaroni au fromage. Non! Non, c'est pas en même temps. Ça. Pourquoi pas? C'est quoi ces préjugés-là? Ah, excuse-moi. Miam. C'était un drôle de test. Je m'attendais pas à ça ce matin. C'est vraiment réussi. Mais c'est moi, cool. je suis vraiment étonné. Ouais. C'est agréable. Je serais pas désespéré d'avoir ça non, c'est ça. Puis on est loin aussi de la ration pack classique de l'armée. Parce que dans le temps, c'était vraiment... C'était très fort, très concentré en sel. Puis souvent, dans le temps, ça constipait un peu aussi les rations. Fait que t'en mangeais beaucoup, t'avais pas tant besoin d'y aller. Mais ça peut être pratique dans le bois. Ben oui, mais l'idéal, c'est d'y aller quand même. Ah même non, c'est dans sûr. Le bois. Hein. Ouais, tu fais le mal. Ouais, tu fais le mal. Là, non, mais ça, je suis contente d'avoir goûté parce que on essaie de s'équiper pour faire du canot camping. OK. Mais si on veut finir par faire du portage, faut vraiment qu'on ait pas des gros sacs, tu sais, parce c'est que... C'est sûr, faut... Notre tente ordinaire, je te dirais qu'elle prend de la place. Fait que là, avec les cannes de soupe, c'est gros. C'est quand même bon. C'est fun parce que quand on part quelques jours, on peut facilement mélanger nourriture fraîche pour les premiers repas, puis finir avec des repas en sachet comme ça. Au fur et à mesure qu'on avance, ben le poids diminue dans le sac parce qu'on mange la nourriture qui est fraîche. Mais oui. Puis si on a le portage pour la fin, ben t'as quand même pas trop de poids. C'est assez intéressant. C'est juste qu'il faut prévoir en moyenne un 30$ par personne par jour quand on mange comme ça. Tandis qu'avec de la nourriture fraîche, on peut s'en sortir avec un 4-5$ par personne par jour. Fait qu'il y a une grosse différence vraiment dans c'est quand même moins cher que d'aller au restaurant. Oui. Si tu décides d'aller dans le bois au lieu d'aller au restaurant, ben ça t'a quand même coûté moins cher. Effectivement. Mm-hmm. Il y a sûrement un team d'installer dans le bois quelque part. Là, ça. Je sais pas s'il y en a un quelque part, c'est vrai. Où est-ce qu'on trouve tout ça? Est-ce que c'est tout le temps. T'as parlé d'atmosphère? Oui, parce que l'atmosphère, ces compagnies-ci, c'est vraiment une commandite de l'atmosphère sur des récollets. Mais dans toute l'atmosphère, on va trouver, il y a toujours une section vraiment de nourriture déshydratée ou lyophilisée. Celui sur des récollets, il est plus gros un peu que les autres. Il y a quand même, je veux dire, pas loin, un peu moins d'une centaine de produits différents. Oh. Mais on peut vraiment trouver dans tous les magasins de plein air. Et même sur Internet, c'est assez facile. Cool. On retient tout ça. Hey, voilà. Génial. On finit tout le macaroni? Oh, c'est... OK. Avant ça, par contre, on va faire notre tirage. On a parlé tantôt du Oui, absolument. Téléphone. Donc, on a le pâte taille qui est à faire tirer. Il est pas encore réhydraté, donc il est encore dans son emballage d'origine. Vous pouvez le conserver encore une couple d'années. Là. on pourrait poser une question, hein, nous dire peut-être les trois saveurs de la crème glacée napolitaine. Ah, c'est une bonne question. Hein. On va parler aussi un petit peu des activités à venir, s'il y en a. Oui, absolument. En fait, il n'y a pas d'activité à venir pour la session d'hiver, vu que la fin de session arrive, comme tout le monde, on est en fin de session, puis on veut pas non plus, je suis sûr que les gens n'ont pas beaucoup de temps à consacrer non plus au plein air. Mm-hmm. Par contre, on a une petite nouveauté, on a enfin réussi à avoir un local. Plein air. On est situé juste à droite de la bibliothèque. Donc, le local, quand vous passez devant, il y a pas de porte, mais c'est un grillage qui le refait en plein son. On est dans ce local-là avec le bac vert. Oui. On va avoir donc des billets avec notre programmation. Et dès que c'est ouvert, il n'y aura qu'un du club de plein air. Vous allez pouvoir vous inscrire aux activités à l'avance et avoir l'information, effectivement. Génial. Ben, club plein air et QTR. Et en plus, le bac vert, ça va aller bien ensemble. Oui, l'environnement, la nature. Ça va être favorable pour les partenariats. On va essayer de travailler ensemble. Ça fit. Facebook. Toujours sur Facebook. Donc, QT_AIR, notre page Facebook. Dès qu'on a un événement qui est annoncé, c'est pas mal là. On a nouveau responsable des communications cette année qui est assez motivé sur Facebook. Donc, si vous voulez vous abonner un peu, il y a toujours des bons articles qui sortent, des belles photos et autres. Donc, il y a assez de vie sur la page cette année. Et c'est ça, dès qu'on a un événement, on le met en ligne. C'est là que la programmation va être disponible aussi. Et le site web. Site web sur www.uqtr.ca. /UQTAIR. Par contre, on a un peu de problème avec l'accès Internet. OK. Comme toute l'UQTR et Internet en général. Oui, et pour gérer notre site, donc il n'est plus vraiment à jour. Mon travail est très fort à le remettre à jour, mais fiez-vous plus à la page Facebook pour l'instant, c'est ça qui est plus à jour. Génial. Merci beaucoup, Charles-Antoine. Merci à vous. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Un canular, un homme fait semblant de tuer son fils. En matière de mauvais goût, on a peut-être trouvé le champion du monde ici, hein? Sur le site lematin.ch, on a une rubrique Buzz où on vous propose volontiers des vidéos rigolotes ou des images insolites. Mais cette vidéo va tellement loin qu'on ne voit pas où on pourrait la mettre ailleurs qu'en fait divers vu l'effroi qu'a dû ressentir la femme de son auteur. Avec l'aide de son fils aîné, ce papa a mis en scène la mort de son plus jeune enfant en expédiant un mannequin en bas des escaliers sous les yeux de sa mère. Comment a-t-il fait pour tromper son épouse? Eh bien, tout simplement en habillant son fiston en Spider-Man, pareil comme le mannequin. Courant affolé vers l'enfant, évidemment immobile, la mère a réalisé la supercherie en ôtant le masque du super-héros derrière lequel se cachait heureusement pas le visage de son rejeton, mais plutôt d'une fausse tête blanche. Ça en fait peut-être rire certains, mais on connaît bien des ménages dans lesquels une blague aussi sordide se solderait par un divorce. Ouais, un grand, grand sens de l'humour, mais comme trop grand un peu le sens de l'humour. Pour vrai, vous irez voir la vidéo, là, c'est comme ridicule, totalement. On s'en va ici vers quelque chose de complètement pas jojo du tout. C'est un pédophile, ben, au moins il a été arrêté. Et puis, je pense qu'il va s'en rappeler. Il sera pas juste là quelques mois ou quelques semaines ou même quelques années. C'est un pédophile américain qui est condamné à 50 ans de prison. Hein? L'homme âgé de 59 ans avait été arrêté en octobre par les forces de l'ordre kényanes suite à un signalement d'Interpol. L'organisation policière internationale avait repéré un internaute répondant à l'alias Baby Toddler 123 basé au Kenya et partageant sur la toile du contenu à caractère pédophile. M.K., OK. Originaire de l'État du Michigan, avait d'abord clamé son innocence avant de finalement plaider coupable le mois dernier. Paraplégique, cloué sur son fauteuil roulant, il avait demandé à une certaine clémence en raison de son handicap physique. « Les enfants occupent une place particulière dans notre société et leurs droits doivent être protégés », a martelé le juge kényan. L'accusé a volé l'innocence de jeunes enfants. Il est inquiétant que ces actes détestables soient passés. Il est détestable que soient passés sous silence si longtemps tous ces actes. L'accusé était un récidiviste. Il avait déjà été condamné en 92 pour attentat à la pudeur envers un enfant de moins de 13 ans, crime pour lequel il avait déjà purgé 3 ans de prison. Si ces faits sont passibles au minimum de 6 ans d'incarcération, selon la loi kényane, le tribunal de Nairobi a opté pour une peine de 50 ans de prison, la plus lourde possible, condamnant probablement l'accusé à finir sa vie derrière les barreaux. Ben, c'est une bonne chose, pas parce que t'es paraplégique, mon homme, que tu vas avoir une passe droite. Vraiment, pas du tout, ça n'a pas rapport. On parle maintenant ici d'Ebola, peut-être une bonne nouvelle. Le vaccin a été testé au Hug, qui sont le Hug, là, c'est comme un câlin, mais le Hug, c'est aussi les hôpitaux universitaires de Genève. Et donc, le vaccin expérimental canadien contre le virus Ebola, semble-t-il, est bien toléré chez les volontaires. C'est quand même assez magnifique que les Canadiens travaillent là-dessus, hein, parce que ça va pas bien avec l'Ebola. Et on semble comme oublier ça. C'est loin, loin. Nous, on n'a pas de problème avec ça. En tout cas, à ce jour, aucun effet secondaire préoccupant n'a été observé sur les patients qui ont fait l'essai clinique contre le virus Ebola. C'est ce qu'a annoncé les hôpitaux universitaires de Genève ce 2 décembre. Comme prévu, les injections au VSV Zebov ont déclenché des réponses inflammatoires dans la semaine qui a suivi son injection. Ces réactions étaient d'intensité faible à modérée. Elles ont duré de quelques jours à 2 ou 3 jours. Les hôpitaux universitaires de Genève testent ce vaccin sur des volontaires à la demande de l'Organisation mondiale de la santé avec l'autorisation de Swiss Medic. Depuis le 10 novembre, 34 personnes sur les 115 volontaires prévus dans le cadre de cet essai clinique ont reçu des particules du vaccin ou un placebo. Les volontaires ont déjà été vus à 5 reprises par le Centre de recherche clinique des HOG et de la Faculté de médecine de l'Université de Genève. Ils seront encore suivis à intervalles réguliers jusqu'à 6 mois après l'injection. L'essai clinique se poursuit jusqu'au début de 2015. Chaque semaine, 15 nouveaux volontaires recevront une injection dans l'épaule. Plus de 350 personnes se sont annoncées à Genève pour tester ce vaccin. Pour des raisons éthiques, ceux qui y se rendront peut-être un jour ou à moyen terme, à court ou à moyen terme, dans une zone où sévit l'épidémie d'Ebola, ne recevront pas de placebo, précisent les HUG. Bonne nouvelle, et on a un petit peu de nous autres là-dedans avec les chercheurs canadiens. On parle ici de gens contre l'éducation sexuelle. Ils sont déboutés. C'est le tribunal fédéral qui a débouté les parents balois désireux que leur enfant soit dispensé des cours d'éducation sexuelle. OK. Le tribunal donc fédéral a confirmé une décision de la cour d'appel de Bâle-Ville qui était en désaccord avec des parents balois qui voulaient que leurs enfants ne doivent pas suivre l'éducation sexuelle jusqu'en deuxième année primaire. Selon les juges de Mont-Repos, ces cours ne portent pas une atteinte inadmissible au respect des droits fondamentaux. Deux familles avaient demandé que leur enfant n'ait pas de cours d'éducation sexuelle à l'école enfantine en première année. J'avoue qu'en première année, c'est quand même très jeune, hein? Mais bon, moi ça me dérange pas, je trouve que c'est parfait qu'on en parle. Leur requête avait été rejetée par les autorités scolaires et par le gouvernement de Bâle-Ville avant que la cour d'appel cantonale ne statue aussi défavorablement. Dans un communiqué diffusé mardi, le département cantonal de l'éducation révèle que le TF a rejeté en dernière instance la demande des deux familles de la haute cour et met en exergue le but de prévention de ces cours d'éducation sexuelle. Elle rappelle qu'ils sont destinés à protéger les enfants contre des risques d'abus et les sensibiliser aux aspects de la sexualité liés à la santé. De plus, les cours complètent l'éducation donnée par les parents et sont conçus de manière réactive. L'éducation sexuelle à l'école a provoqué des remous à Bâle-Ville après la présentation d'une valise éducative contenant un pénis en bois et un vagin en peluche. Un comité de parents s'est constitué pour relancer une initiative populaire fédérale visant à interdire la sexualisation à l'école. Cacher ce sein que je ne saurais voir! Hein? C'est pas mal ça. Ici, des Indiennes, c'est ça, hein? On va enlever les cours d'éducation sexuelle, puis à la place, on va aller vers ce genre de truc. Des Indiennes d'Inde qui sont stérilisées à l'aide d'une pompe à vélo. Hein? Un médecin indien a admis utiliser régulièrement des pompes pour gonfler l'abdomen des femmes lors d'opérations de stérilisation dans des zones rurales. Il faut croire que le scandale récemment déclenché dans l'état de Chhattisgarh après la mort de 13 femmes lors d'une stérilisation de masse n'aura pas suffi. L'Hindustan Times, OK, révèle ce mardi donc une nouvelle affaire qui met en lumière les mauvaises conditions d'hygiène, particulièrement dans les régions rurales. Un médecin a en effet utilisé une pompe à vélo pour gonfler l'abdomen de 56 femmes qui devaient être stérilisées dans l'état d'Odisha vendredi dernier. Les pompes à vélo sont fréquemment utilisées car il n'y a pas d'équipements chirurgicaux sophistiqués dans nos campagnes, a justifié Mahesh Prasad Root, le médecin au quotidien. La pointe du tuyau et la buse de la pompe sont stérilisées avant utilisation, a-t-il tenu à préciser. OK, yeah. Que dire de plus? Sérieusement. Pub ici, Migros fâche les antiracistes. Le géant Orange refuse de présenter des excuses pour une campagne concernant la lessive Total, jugée digne de l'ère coloniale. Vous allez comprendre, c'est l'histoire d'une de ces rencontres très enrichissantes et constructives, mais qui débouche sur pas grand-chose. Le 25 novembre dernier, une délégation de militants contre le racisme anti-noir s'est rendue à Zurich dans les locaux de Migros, avec dans ses valises une grosse charge d'indignation. Ces quatre personnes venaient d'exprimer leur revendication au sujet d'une pub pour la lessive Total, déclinée en trois affiches et en un spot télévé. Le pitch de la campagne, à chaque fois un animal en peluche, scarabée, panthère noire ou ours brun, redevient sa créature d'original, un ours blanc, un tigre, une coccinelle, après avoir été dépouillé de sa couche de crasse. Pour la délégation qui représentait quelques 90 signataires d'une lettre ouverte, une intolérance de la marque et ça nous montre un intolérable marque de racisme. OK. Une intolérable marque de racisme. Pardon. Donc, du nounours en peluche à la lutte contre les préjugés, vous comprenez pas le rapport. Les militants rapprochent à Migros d'avoir ressorti de vieux procédés des pubs racistes de l'époque coloniale où les Africains étaient volontiers représentés en train de sortir blanchis d'un bain à l'eau de Javel. Nous n'aurions pas réagi si un ours taché sortait du lavage tout blanc, explique Karl Grunberg, coordinateur de Accord SOS Racisme, mais dans le cas présent, cet ours n'est pas sale, il est brun, et de déplorer que le brun ou le noir, à cause de cette campagne, se retrouve à nouveau associé à l'idée de saleté. Que Migros ait voulu ou non le transmettre, ce message est maladroit, déplore-t-il. On peut comprendre. Également membre de la délégation, l'écrivain Max Lobé, né au Cameroun, s'est dit très surpris par l'ignorance des interlocuteurs qui n'avaient pas mesuré la déception que leur pub pouvait produire dans la communauté noire. Le concepteur de la campagne en particulier était touché. La colère demeure cependant vive chez lui, vu que Migros a refusé de formuler des excuses pour sa campagne, comme le demandaient les militants. Après avoir entendu nos arguments, je serais extrêmement blessé que la campagne recommence. Cela voudrait dire qu'il ne s'en soucie pas. Il ne se soucie pas de ce que nous leur avons dit. Max Lobé avertit qu'une nouvelle pétition qui recrutera le plus large, plus de signatures que l'autre, sera lancée au cas où le spot de Total passe à nouveau à la télévision. De son côté, Migros n'en démord pas. Sa campagne n'était pas raciste. Nous n'aurions jamais pensé que ça puisse être perçu comme tel, assure un porte-parole, Tristan Serre. Mais il voulait des excuses. On est du coup très intéressé à entendre leur point de vue. Nous n'avons en revanche pas l'intention de nous excuser de quoi que ce soit, puisque cette campagne est complètement en accord avec notre code de conduite, qui est très strict sur les questions de discrimination. Les responsables de communication de la coopérative poursuivent. Le spot suit un schéma courant que l'on voit souvent dans les publicités de lessive. Dans ce contexte, il est évident que notre campagne n'a pas d'arrière-plan raciste. Ben, en tout cas. Ça continue. Un ours en peluche n'est pas un être humain, précise néanmoins que ses collègues ont appris beaucoup de choses au contact des militants. Cette rencontre va influencer l'avenir des campagnes que nous allons mener. Ben, ça, c'est une bonne chose d'apprendre. Puis, c'est vrai que ça se peut que ça soit pas. L'idée n'était pas raciste au départ. Mais je pense que les militants noirs avaient quand même raison. Et c'est vrai, si on va voir des vieilles pubs d'époque, il y avait souvent ça, des noirs qui étaient comme lavés pour être blanchis. J'ai vu souvent des images vintage là, des années 1800, 1900, au début de 1900. Et ça fait un peu ça. Hein? Alors vous, faites-vous votre idée. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite polémique? Sinon, est-ce qu'on s'en va en musique? Oui, et ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. On va aller faire un petit segment des mille et une chansons à avoir entendues dans sa vie. On y va comme ça, avec la pièce Sweetness de la formation Yes. L'auteur, c'est John Anderson, Chris Squire et Clive Bailey. Les productions, c'est Yes et Paul Tley, sous label Atlantic, sur l'album, le Yes Album, en 1969. Né des cendres du groupe Toy Shop de Mabel Gear, Yes était en 69 très différent de son futur style rock progressif. C'était au mieux un groupe de rock expérimental plutôt inféodé au style des Beatles. En fait, Yes avait d'abord demandé à Paul McCartney de produire son tout premier album et auditionné pour cela chez Apple. Ça aurait été assez logique puisque le disque devait beaucoup de ses ballades au White Album des Beatles. Sweetness est un morceau à la fois doux, mélodieux, et bref, il met en valeur le talent des musiciens, sans toutefois céder à la pompe à laquelle le groupe s'adonnera pendant la majeure partie des années 70. J'avoue, ça devient un ben très très technique, un ben pour les musiciens. Les trémolos de la basse de Chris Squire font référence au gémissement de McCartney, tandis que l'orgue Hammond discret de Tony Kaye, la batterie contenue de Bill Bruford et la guitare de Peter Banks, introduites graduellement, soutiennent la sérénité de la voix de John Anderson, ainsi que les paroles d'une charmante sincérité. La construction dramatique du pont se résout rapidement par le biais d'une rupture mélodique, unique indication de ce que sera le style futur du groupe. Sweetness, premier single de Yes, n'a pas rencontré le succès et n'a jamais été joué en concert, comme si le groupe en avait eu un peu honte. En revanche, l'acteur, réalisateur, chanteur marginal Vincent Gallo admirait beaucoup cette chanson. Il l'a intégrée à son film Buffalo 66 en 98, parallèlement à Art of the Sunrise, morceau présent dans l'album de Yes, Fragile, qui était sorti, lui, en 71. Donc, dans le segment des chansons à avoir absolument entendues dans sa vie, on écoute la pièce de la formation Yes, tirée du Yes Album, Sweetness. Les amis, je vous invite à rester là. On y va-tu? On l'a-tu? Attends un petit peu. On va voir. Tac, tac, tac. On y va. Ça devrait y aller, là. Sunshine.

Okay. Donc ensuite de ça, je suis devenu brasseur maison pendant des années où, on s'entend, là, c'est les années début 2000. Fait que j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de brasseurs. À l'époque, il y avait moins de brasseries, fait qu'on se connaissait beaucoup plus, même les amateurs, les gros tripeux. Donc, en connaissant plein de monde, bien évidemment, j'ai développé plusieurs recettes, j'ai affiné mes techniques, puis en 2007, ben, on a ouvert le Loup Rouge à Sorel, et c'était à l'époque un brew pub, donc un petit peu comme le temps d'une pinte. Et puis, voilà, puis on a vécu comme ça pendant 6 ans, on était en formule coopérative, et à la fin de l'année 2013, ben, on a décidé, moi et un de mes, moi et mon associé Yves Bérard, on a décidé de racheter les équipements, de fermer le bar, puis de devenir une microbrasserie qui fait seulement du fût. Donc aujourd'hui, on vous a pas amené des bouteilles, hein, parce qu'on n'en fait pas des bouteilles pour l'instant. Fait que là, c'est ça. On est distribué un fût un peu partout au Québec, notamment au temps d'une pinte là, à l'occasion, et notamment ce soir surtout. Ouais, c'est un super beau créneau que Jean-Philippe a pogné pour en parler des fois avec d'autres microbrasseries, parce qu'il n'y a pas beaucoup de microbrasseries. Il y en a peut-être une ou deux, on en parlait tantôt, qui sont plus obscures, qu'on connaît moins, mais qui font du fût comme ça, destiné aux bars à bière, aux autres microbrasseries, puis qui arrivent à vivre de ça, puis à bien le faire, là, c'est... Moi, j'en ai pas vu souvent, je connais pas ça beaucoup, ce milieu-là. Mais tantôt, tu disais de McCracken, mais c'est-tu un style, le McCracken? Parce que, me semble, moi, non, mais dans le sens que... Moi, j'en ai bu souvent, puis c'était pas le Loup Rouge qui la tournait. Ouais, le McCracken Flower, c'est quasiment rendu un style. Ben, c'est ce que je me... OK. Le style, c'est Scotch Ale Wee Heavy, donc c'est une Scotch Ale, donc très... C'est les Belges, en fait, hein, qui avaient créé ce style-là pour les Anglais. En fait, c'est à l'instar d'une double belge. Très sucrée, beaucoup plus, en fait, puis ils ont donné la recette, genre, aux Écossais à l'époque, là, puis tout. Et donc, c'est devenu une Scotch Ale. Scotch Ale Wee Heavy, parce qu'elle est très forte, elle est faite avec 10, c'est quand même 10% d'alcool. Mm-hmm. Et quand j'ai créé la recette, je travaillais déjà plus au Bill Bucket, donc c'est en 2001 que j'ai créé ça dans ma cuisine, dans des chaudières en plastique, et j'avais un problème. Scotch Ale, il faut avoir du caramélisé, puis dans le processus de brassage, caraméliser avec des cuves de plastique, c'est un petit peu compliqué. Ouais, on peut comprendre, ça goûterait le plastique un peu. Ça donne d'autres saveurs, oui, c'est ça. Donc j'avais décidé de prendre beaucoup de miel de fleurs sauvages pour aller caraméliser le mou sur le poêle, dans un chaudron, avant de finaliser mon processus de brassage. Et c'est ce qui a donné la McCracken en 2004-2005, j'ai commencé à gagner des concours dans le monde des brasseurs amateurs. Non? Oui. Et puis là, Bill Bucket m'a demandé de venir rebrasser la bière chez eux. Depuis ce temps-là, ils la font, en fait. Ils sont devenus microbrasseries. Fait que c'est toi qui es en arrière de la McCracken. Je suis le père de la McCracken Flower, de son nom imprononçable. Ben, c'est ça, McCracken Flower. Mais je suis content, c'est tout un honneur d'avoir... Moi, si quelqu'un voudrait revendiquer que c'est pas lui, juste à regarder les autres noms de ses bières, on va comprendre que pour avoir un nom pas prononçable de même, c'est sûr que ça vient de lui. c'est la petite touche comme ça, personnelle. Ouais. Mais en tout cas, comme je te dis, c'est tout un honneur parce que c'est une super bière que j'ai bu à multiples reprises. Super. Ça, c'est la version originale. Elle va être en fût ce soir au Tannin Point, comme 4 autres produits qui vont être en fût aussi du Loup Rouge. Puis on a 2 casques. Donc, 7 bières du Loup Rouge ce soir, c'est un tap takeover pendant notre 5 à 7. Fait que venez nous voir puis boire les bières du Loup Rouge. Jean-Philippe va être là. Si vous portez un chandail de loup, Les personnes qui vont porter le plus beau chandail de loup vont gagner des prix. Génial. Puis on risque de faire aussi un concours de hurlements. Oh, wow! Ça, c'est plus fin veillé. Ouais, c'est ça. Sur la terrasse, là. Ouais, c'est ça. Question de déranger les voisins un peu. Non, vous êtes des bons citoyens. Qu'est-ce que tu brasses d'autre, sinon, Jean-Philippe? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bière dans ton... Parlons dans justement des produits ce soir, parce que j'en fais quand même une vingtaine. Là. J'ai même réduit le nombre de styles de bière que je créais quand on a fermé le brew pub. Mais ce soir, on a de la saison du loup, qui est une saison belge traditionnelle là, à la Wallonne, très métaillère, très légère, très... les essais des fruits un peu légers, c'est super extraordinaire. En fait, c'est très rafraîchissant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce soir, on a de la Zusammenarbeit, un autre beau nom imprononçable. Oui. Qui veut dire quoi? C'est en allemand, c'est Zusammenarbeit, et ça veut dire travail en collaboration. C'est une bière qu'on a développée, moi et Mark McGarra, le brasseur du Bobcat Café au Vermont. Okay. On a travaillé ensemble pour développer cette bière-là, puis on a gagné des prix avec aussi. C'est quand même très particulier. C'est une bière, c'est une blanche allemande salée, acidifiée, avec une levure particulière qu'on fait nous-mêmes maison. Là. On crée, on la fait pas, mais je veux dire, on la fait la croître, modifier, oui, c'est ça. Ouais. Puis ça donne de quoi de bien, bien léger. Puis là, ce soir, en plus, il va être en casque. Puis dans le casque, j'ai rajouté des zestes de lime et de citron. C'est très, très rafraîchissant. Ça fait 4, c'est comme 5%. Une limonade, mais pas sucrée. Là. C'est écœurant. Nous autres, J'ai mis ça sur le menu, les gars au Talent Pub, ils me regardaient, tu penses-tu que le monde va commander ça? On avait 2,30 litres la première fois l'hiver passé. Ça, je pense que ça a pris 3 jours. Okay. Il y avait une gang de clients qui revenaient et qui disaient « Avez-vous encore la bière? » Tout le monde la surnomme la Suzanne à la bête. Okay. Ben, c'est plus facile à proposer. Ce qui n'est pas mauvais comme nom pour une micro de Québécoise quand même. Puis McCracken Flower, c'est quoi McCracken? Ah, oh, mon Dieu Seigneur. Pas cette question-là. Mais non, mais tant qu'être avec l'inventeur. Ouais, ben écoute, à l'époque que j'étais brassé à la maison, j'aimais beaucoup la littérature. Ben c'est bien ça. Quand on n'a pas de culture, on l'éteint. Hein? Ah. Donc, on faisait des cadavres exquis entre amis. Il y a des soirées cadavres exquis. Tu sais, c'est super hot. Hein? Ça se place bien, en tout cas, devant des filles. Ouf, ouais. Ben, non, mais il y avait des filles avec nous autres, tout à l'heure. C'était bien le fun. Puis, ben, à force de jouer avec des mots puis des lettres, ben, je me sens. C'est sûr que c'est une base aussi en communication puis en marketing. Les cas, c'est très difficile à dire dans notre langage. Puis, ça marque l'imaginaire en même temps. T'sais. C'est vendeur. Les cas en marketing. En fait, oui. Oui, c'est vrai. Là, Scotch Ale, Mac, évidemment, pas le choix. Bon, Kraken, ben, parce que c'était dur à dire, 2 cas quand même. Puis Flower à cause du miel de fleurs sauvages. Et puis, j'ai rencontré Mike Burns il y a quelques années. En fait, il était venu faire des comptes au Loup Rouge à l'époque. Puis il m'a expliqué qu'en gaélique, ça pouvait... En fait, il y avait une genre de signification un petit peu déformée, mais quand même qui voulait dire Mac Croca, ça pourrait être Mac, c'est tout le temps fils de, et Croca, je sais pas comment il le prononce, je suis pas gaélique, là, mais ça voulait dire genre petit mont verdoyant. Donc voilà, c'est tout cute. C'est tout cute, c'est plus d'informations dans mon petit cerveau, merci. Et puis sinon, bon Alex, est-ce qu'on va écouter de la musique? Ben ouais, dans le fond, ce qu'on voulait vous proposer, c'est une formule que j'aimerais ça qu'on essaye. On a vu beaucoup d'accords de bière et fromage, bière et bouffe. Mais moi, étant radio, il y a de quoi qui me ferait triper, ce serait de faire des accords bière et musique. Génial. Puis, parce qu'à chaque fois que je bois une bière, des fois, je me dis « Ah, ça me fait penser à tel genre de tune. » C'est une espèce de sonore, synesthésie. Là. Il y en a qui voient une couleur puis qui sentent de quoi. Là. Moi, je bois une bière puis ça me fait penser à des tunes. Fait que Jean-Philippe et moi, on a préparé chacun un accord avec les deux bières qu'on a ici aujourd'hui. C'est parfait. Avec quoi qu'on va commencer? Ben, tu veux-tu y aller? Allons-y, oui. On a à Sorel, j'ai un ami qui est musicien, chanteur, auteur, compositeur, interprète et blablabla. Il a même, en fait, il a gagné des prix à Granby cette année, justement. Là, c'est Charles-Robert Godette. C'est un très, très bon musicien. Puis c'est une de ses compositions. Il a déjà sorti un album. Il est en train de préparer son deuxième. Et là, c'est Jiré qui a présenté à la place. C'est l'émission Ma première place des arts, hein, MAP TV. Oui. Et donc, il a présenté ça. Puis, j'avais envie d'écouter sa chanson avec lui, puis de prendre une belle Weizenbock, un peu soyeuse, un peu léger banane caramel sucré, avec 7,5% d'alcool, parce qu'il y a du torque quand même en arrière, tu sais. Je trouvais que c'était le fun, tu sais. Bon, on va aller écouter Charles Robert avec la pièce « J'irai » tout de suite. J'irai sur le chemin sans fin et abrupt, là où les mots sont un bombe sur les égratignures. J'irai sur le chemin sans fin et abrupt. C'est la seule certitude qui m'accompagne. Tu m'as demandé la route pour me retrouver. Mais y'a pas de plan, y'a juste droit devant. Et puis j'aime mieux être seul. Je m'y suis habitué. Peut-être qu'un jour, le moment venu, je t'accrocherai au passage, te tendant la main pour le vrai, mais pour l'instant, j'aime mieux être seul. J'irai sur le chemin sans fin et abrupt, là où les mots sont un bombe sur les égratignures. J'irai sur le chemin sans fin et abrupt. c'est la seule certitude qui m'accompagne. Je m'y suis habitué. Peut-être qu'un jour, le moment venu, je t'accrocherai au passage, te tendant la main pour le vrai. Mais pour l'instant, j'aime mieux être seul. J'irai sur le chemin sans fin et abrupt, là où les mots sont un bombe sur les égratignures. J'irai sur le chemin sans fin et abrupt, c'est la seule certitude qui m'accompagne. Je vais sur le chemin sans fin et abrupt, si je dois y laisser ma peau. Je vais sur le chemin sans fin et abrupt, mille excuses de ne pas t'amener avec moi tout de suite. Merci beaucoup. Charles Robert, qui était la suggestion de Jean-Philippe, c'est bien ça? Oui. Yes. Donc, Alex, sinon, autant d'une pinte, de quoi on parle encore, là? Ben, nous autres, là, à soir, c'est, comme je disais, c'est le 5 à 7 avec le Loup Rouge. Tap, oui. Takeover, il occupe nos lignes. On a 7 bières, 2 casques, 5 lignes en fût. On a la Joe Labour, qui est une triple belge, la Saison du Loup, qui est une saison rustique, la Tsuzamenarbeit, qui est une ghost, donc bière salut. On a la fan chienne. La Suzanne a l'air bête. La Suzanne a l'air bête. Oui. On a la fan chienne, qui est la petite IPA à Jean-Philippe, la, ouais, Session IPA. Version Session Ale, mettons. OK. Puis, c'est quoi, y a-t-il un dry-up? Ah, ben oui, j'ai mis 3 onces de cascade québécois dedans. Oh, excellent. Puis, on a la McCracken Flower, la Tempora Mutantour et... la Flambée, tu l'as dit. La Flambée, qui est une bière fumée. Wow. On fait des accords. J'ai failli y aller avec la Flambée puis l'incendie à Rio, mais je me suis retenu. Ça a été génial. Sacha Distel, toi. Je me suis retenu. J'ai été avec un choix musical que j'apprécie un peu plus. Moi, la Scotch Ale au miel sauvage, tout de suite, j'accrochais... Il y avait un nom qui me venait à la tête, c'était Tom Waits. OK. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une bière comme beaucoup de bières du Loup Rouge qui sont des bières écorchées, qui vont goûter les... Il y a du miel sauvage. Dans cette tune-là, Tom Waits, il part puis il dit « Time », le temps, c'est comme du miel qui te coule doucement dans la gorge. c'était comme parfait. Puis en plus, la tune, elle s'appelle « Temptation ». Fait que cette bière-là, c'est... Tu rentres dans la nuit avec ça. Donc, ce soir au 5 à 7, ça va être tout un party. Ça va être suave. Tout à fait. Donc, on va écouter tout de suite Tom Waits. Ça arrive-tu? Oui, c'est là. Time made for Hey, j'ouvre. Vous êtes bien dans la chronique du temps d'une pinte, chronique, voyez où il y a du bonheur, c'est ça, la bière, c'est ça, c'est le bonheur, puis c'est le partage de plein de choses, dont on parlait de musique, puis ça marchait tout à fait bien. Donc, Alex, on a-tu autre chose à ajouter? Ben non, sinon, que venez nous voir, on a des prix de présence à faire tirer ce soir au temps d'une pinte avec Jean-Philippe pour le Loup Rouge. On va faire tirer des prix aussi le temps d'une pinte. Puis, venez boire ça, là, ça va être excellent. Deux casques pour notre 5 à 7 jeudi. Sinon, j'allais dire justement de quoi on parlait, mais on n'en parlera pas trop parce que ça peut être comme ça, mais peut-être des soirées vinyles à un moment donné, au temps d'une pinte, ça pourrait être le fun. Ben oui, ça serait le fun. Venez nous proposer votre accord musique et bière pendant des soirées le temps d'une toune. Exactement, ça serait le fun. Puis pendant que je vous ai là, moi, sérieux, j'ai le goût de continuer à boire un peu avec vous autres. On va-tu écouter la toune d'Ibrahim? Absolument. True story. Donc, on va aller écouter ça parce qu'on se fait plaisir. On est jeudi, ou on pourrait dire jeudredi. Mm-hmm. Hein? On pourrait dire qu'on est jeudredi. On s'en va tout de suite. Ça, là, avec une flambée. Là. Bon, les gars, on écoute et on boit tranquillement. Profitez-en, mes amis. Restez sur les ondes du 89.1. Vous êtes dans le dîner de cons durant la chronique Le temps d'une pinte. Thank you. Excellent. Vous êtes bien dans le temps d'une pinte section dîner de con ou le contraire, c'est comme vous voulez. Et on parlait avec Jean-Philippe Brault, c'est ça? Barbeau. Barbeau, excuse-moi, du Loup Rouge. On parlait de littérature d'Hydro, t'as dit? Ouais, on parlait de conte d'Hydro. On parlait de conte d'Hydro. Calice, ça coûte bien trop cher. Ça n'a pas de bon sens. Conte d'Hydro. Donc, vous voyez ce que ça fait, la bière? Ben, allez au temps d'une pinte ce soir, 5 à 7, ou plein d'autres fois, là, pas juste le 5 à 7. Merci encore, Alex. Eh bien, bienvenue. Merci à toi, Danny, de nous recevoir toutes les semaines comme ça. Vraiment, très, très cool. Et merci à toi, Jean-Philippe. Continue de faire ton excellent travail. Je pense que tu sais ce que tu fais. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Ah oui, Assemblage requis, qui accueille un nouveau morceau, un nouveau chroniqueur. Comme ça, en fin de session, est au mois de décembre. Il va faire deux chroniques, puis ça va être fini pour l'instant. Mais jamais trop tard. Jamais trop tard pour bien faire. Non, puis on le reprendra en janvier. Quand là, c'est Gabriel Béhoud. Voici la chronique de la huître. Et c'est le retour de la chronique de la Luit. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas eu ça. On l'avait dans le bon vieux temps d'Assemblage requis. Et maintenant, c'est Gabriel Béhoud qui reprend le flambeau de la Luit. Biel, bonjour. Ça va, Gab Boud? Ah, ça va, ça va. Ça va comme un mardi matin. Là. Un beau mardi matin de bonheur. Ça ne dérange pas que je combine Béhoud en Boud? Non, c'est quelque chose qui est assez fréquent. D'habitude, ouais, on m'appelle Boud. Boud! Mais d'habitude, genre jamais. On appelait cette chronique-là dans les coulisses de la lutte dans le temps, donc peut-être qu'on pourrait appeler ça de même, je sais pas trop. Mais bon, regarde, peu importe, on va y aller comme ça nous tente d'y aller, c'est comme ça. Et on a quelque chose de spécial pour commencer, c'est de résumer le match de la semaine qui vient là de juste d'avoir lieu. C'était hier le match, finalement, lundi soir. Et pour ça, on va aller sur le terrain rejoindre notre journaliste, à ne pas confondre avec toi, un autre Gabriel Béhoud pour lundi soir le matin. Exact. Allez! Écoutez lundi soir le matin la chronique sur l'impro universitaire. Bonsoir, mon nom est Gabriel Béhoud. Je suis l'animateur pour le compte-rendu sportif de la Luitre. Alors, les deux équipes qui s'affrontent aujourd'hui, lundi 1er décembre, sont les Oranges et les Rouges. Les Oranges ont une fiche de 1 victoire et de 2 défaites. Les Rouges ont une fiche de 3 victoires, 1 défaite en temps réglementaire et 1 en prolongation. Maintenant, place au face-à-face. Je suis présent avec le capitaine de l'équipe des Oranges, Alexandre Ramézoué, qui... Alexandre, quelle est votre arme secrète pour le match de ce soir? Moi, je dirais que c'est principalement le fait qu'on ait trois Alex sur le jeu, puis on a Nadia. D'accord, Alex. Et maintenant, quel est votre objectif? Ça fait plusieurs semaines que j'essaye de travailler Nadia pour qu'elle change son nom pour Alex. Principalement, ça va être ça. Merci, Alexandre. Je vous souhaite un très fort match. Face à face. Alors, je suis avec le capitaine de l'équipe des Rouges, Philippe Grenier. Philippe, un joueur grand comme toi, chose quelle grandeur de souliers? C'est drôle que tu me poses la question. J'ai vraiment la difficulté à porter des chaussures dans des magasins normaux. En fait, je porte du 13. Donc, quand j'arrive dans un magasin de chaussures, je demande tout le temps, donnez-moi vos plus grands souliers. Puis des fois, je finis avec des boîtes de souliers, finalement. C'est donc l'expression... De grands souliers à chaussée. Justement, parlant de souliers à chaussée, quel est ton plan de match, Philippe? Ce soir, c'est justement de déchausser l'autre équipe. C'est une expression, en fait, qui vient du Saguenay. Déchausser, ça veut dire être chaud. Mais dans le sens qu'ils ne vont pas avoir le temps de voir ce qu'on va faire. Ils vont être tout le temps à deux coups derrière nous. Très original et audacieux. Bon match, Philippe. Merci. Oh! cette semaine. Je suis avec l'étoile donnée par le bac vert, Nadia Tranchemontagne. Nadia, comment on se sent avec une étoile donnée par le bac vert? Ben, tu sais, c'est toujours comme vraiment un honneur d'avoir une étoile, mais là, une étoile donnée par le bac vert, c'est comme le suprême de l'honneur. Je pense que je vais m'en vanter toute ma vie. Aurais-tu préféré une étoile donnée par le bac brun ou le bac noir ou n'importe quel autre genre de bac? Ben, je fais aucune discrimination envers les bacs. Donc, les bacs en général, que ce soit un bac en littérature, un bac vert ou un bac de recyclage, je les prends tous avec plaisir. Félicitations pour cette belle ouverture et ce fabuleux match, Nadia. Bonne soirée. Ben, merci. À toi aussi. Ce qui m'arrive, on dirait que le monde est en train de changer. Je me suis peut-être fait des idées, je suis pas devenu celui que je m'étais imaginé. Ah, c'était Gabriel Béaud, notre reporter sur le terrain, pour parler de la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. On est avec un autre Gabriel Béaud, à ne pas confondre, bien sûr, bien sûr. Gabriel Béaud, l'autre. Le oui. plus charismatique le, des deux. Celui qui a un petit peu plus d'entrain. Donc, c'était un match assez enlevant hier entre les oranges et les rouges. C'est un match régulier, de la saison régulière, mais avec une petite twist, un petit quelque chose de plus, parce que c'était le bac vert qui co-animait avec moi. C'est exact, le bac vert, une association écologique au sein de l'université. Exactement, environnementale, et c'est pour ça qu'on a eu une étoile du bac vert au lieu d'une étoile de l'arbitre, même si c'était la première chronique en onde avec l'étoile de l'arbitre, il n'y en avait pas l'étoile de l'arbitre. Non, c'est exact, d'habitude, à la fin d'un match, l'arbitre décerne toujours une étoile, et chaque équipe décerne une étoile à un joueur de l'autre équipe. Cette semaine, il y a eu une formule différente, donc le bac vert a donné une étoile à Nadia Tranchemontagne, une excellente joueuse des Oranges. Tout à fait, le numéro 6 des Oranges, d'ailleurs. On n'a pas parlé du résultat final. Je crois que c'était 9-7 pour les Rouges. C'est exact. Les Rouges ont gagné ce match en levant et trépidant. Tout à fait. Et c'est pas le dernier match, il nous en reste un pour la session. Oui, c'est exact. La semaine prochaine, dans le fond, les Oranges vont affronter les Bleus dans un match régulier aussi. Mm-hmm. Donc, la formule sera assez simple, ça devrait être assez classique, comme à l'habitude. Tout à fait. Et après ça, ça va être la pause des fêtes. On va revenir avec un match spécial le 8 janvier, donc un mois plus tard. Mm-hmm. On va amener nos restants de dinde, nos restants de tourtière. Et puis, ça va être un match de la Luître contre la Lib, qui est la Ligue d'improvisation de bar, si je ne m'abuse, une ligue de Montréal. Quelque chose comme ça. Bedonden, j'ai entendu parler de Bedonden. Exact. C'est ce que ça veut dire. Ensuite, il y a des matchs réguliers à travers le mois de janvier, mais il y a aussi un match au Carnaval. On va avoir l'occasion d'en reparler mm-hmm. d'ici là. Mais ça devrait être assez, assez génial au 10-12, mm-hmm. un match avec des gens de la communauté universitaire qui vont s'affronter affronter finalement des vrais joueurs. Une formule géniale, ça. Je pense que chaque bac a l'opportunité d'envoyer des représentants pour affronter les joueurs de la Luître dans des matchs, dans trois improvisations, si je ne m'abuse. Donc, ça donne des matchs assez spéciaux. Ouais. Donc, ça, c'est le calendrier à venir pour la Luître. Mm-hmm. Revenons un petit peu à toi, Gabriel Béaud, celui qui est en studio et non pas celui qui est sur le terrain. Non, évidemment. Bien sûr, bien sûr. J'imagine que le B, il ne faut pas dire la même chose dans les deux. Il y en a un qui veut dire bout en train. Donc, ça, c'est l'autre Gabriel Béaud. Moi, c'est Beaunoyer, un nom. Bournoyer. Beaunoyer. Oui, oui. Okay, parce que Beaunoyer serait bien trop compliqué. Non, c'est ça, un Beaunoyer ou. Non, c'est beau noyer. Mais toi, on me dit, et j'en témoigne, je seconde, le fait que t'es une recrue dans la lutte cette année. Ouais, exact. Je joue pour l'équipe des Rouges, l'équipe de Philippe Grenier. Je joue avec Frédéric Bernard et Vanessa Forcier avec, évidemment, Céline Dosier-Côté, qui est notre suppléante. Suppléante? Tu donnes une pomme à chaque fois qu'elle arrive. Oh oui. mais Vanessa qui a reçu, parlons-en, un décrochage hier pour la première fois de sa carrière. Ouais, dans une improvisation où malheureusement tout le monde était vraiment fâché, sauf mon personnage qui était beaucoup trop bout en train. Et j'imagine que c'était un peu contagieux car j'ai réussi à faire, moi et Fred en fait, on a réussi à faire décrocher les deux joueurs sur l'improvisation. J'étais même surpris, je pensais que c'était Philippe qui avait une pénalité de décrochage. C'est pas de ma faute uniquement. Mais... Non, mais tu sais, faut dire aussi que t'as plus de moustache pour ceux qui te connaissent de la Luître. Oui. Donc ça peut faire sourire c'est... quand tu le remarques au départ. C'est comme, ah ben quand il n'y a plus de moustache. Ouais, ça peut porter à confusion. Les gens me lançaient des insultes. Ils disaient imposteur. À plusieurs reprises, ils ont dit imposteur. Uh-huh. Je sais pas si. Des gens de Post-Canada sûrement qui disaient ça. Et voilà. Imposteur. Non, Steph, non, Steph, elle approuve pas celle-là. Elle approuve pas dessus. Ouais, ça valait bas, ces blagues-là. Mais ça valait bas aussi quand on a co-animé ensemble, parce que c'est déjà arrivé, cette histoire-là, de co-animé ensemble, toi et moi. Ça va sûrement se reproduire, j'imagine, à l'hiver. On verra bien. Ça serait plaisant, en fait. Belle expérience. Mais tu vas, en fait, ton collègue, bout en train, va suivre sur le terrain les matchs à chaque semaine, tout le temps dans la même formule. Donc, on va suivre ça, c'est sûr. Ça sera jamais nécessairement la même personne qui va être reçue en entrevue dans ces histoires-là. Non, en effet, dans le fond, il y a toujours un segment face à face. C'est ce qu'il m'a dit, en tout cas. Donc, le segment face à face, on rencontre des joueurs de chaque équipe qui joue ou des membres du staff, donc l'arbitre, l'animateur, les gens qui s'occupent dans le fond que le spectacle soit bon. Donc, on va les rencontrer en face à face. On a cette partie-là dans notre chronique ainsi que l'étoile de l'arbitre. Ça va être cool. Puis ça va être à chaque semaine, tout le temps, le lendemain du match. Donc, vraiment, t'es sous pression. Là. Tu dois absolument produire ta chronique le soir même. Ou le matin même, dans certains cas. À une heure à déterminer, des fois à 8h, des fois à 8h30 pour l'instant, d'ici la fin de la session. On va avoir une case plus régulière au mois de janvier. Je pense que ça doit être assez simple de se trouver cette case-là. Sinon, pour en savoir plus sur l'improvisation, sur l'horaire de la Ligue, pour avoir même les résumés de matchs, hein, ça c'est Michel qui s'occupe de ça sur le blog. Donc allez voir ça. Le match est souvent décrit quelques jours après pour vous mettre au courant et vous donner envie de regarder le prochain match. Bien sûr. Facebook aussi. Oui, dans le fond, on peut aller sur le Facebook de la Luître. Donc, là-dessus, on trouve pas mal tout, ce qui est photo, résumé de match. C'est pas mal tout là, en fait. Donc, puis si vous voulez vous tenir au courant des prochains matchs, donc les événements à venir, ben c'est souvent sur le Facebook de la Luître. Donc, souvent comme toujours. Souvent comme genre, c'est pas mal là que ça se passe. Ouais, exact. C'est pas mal la place. La place in à Trois-Rivières. Ah ouais, les gens sortent là. Vendredi passé, j'ai passé ma soirée sur le groupe Facebook. Ouais, on regardera, on dira pas trop ce que tu fais à regarder les photos. Donc, page Facebook de la Luître, c'est très facile à trouver. L-U-I-T-R. Ouais. Et on retrouve ça tous les lundis soirs à 20h à la Chasse-Galerie. Exact. C'est merveilleux. Gabriel Béhoud. Bon travail. Merci. Belle première chronique. Hein? Ouais, on va essayer de tighter un peu ça, mais je suis quand même content du résultat. Je m'attendais à vraiment pire de toi. C'est pas vrai du tout. Oh, oui, merci Mathieu de me faire confiance. un homme de talent dirait que tu jouais le rôle de bout en train. Exact. Confonds pas les deux. Bye-bye. Donc, on te retrouve, ça va être mardi prochain. Je pense que cette semaine-là, ça va être à 8h. Exact. Les oranges contre les bleus. Ça devrait être un match enlevant. Les deux... des équipes qui ont soif de victoire. Ouais. Donc, ça devrait être un très, très bon match. Merci, Gabriel. Ça fait plaisir. Beau noyer août. Exact. Pas bout en train, là. Non. J'en tiens. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. C'est arrivé un 4 décembre. Eh bien oui, c'est les éphémérides de la journée. Qu'est-ce qui est arrivé un 4 décembre? Eh bien, en 1154, élection au pontificat d'Adrien IV. Il succède à Anastase IV. Ben, bravo pour lui. Merci. Sinon, en 1642, décès à Paris d'Amand Jean Duplessis de Richelieu, dit le cardinal de Richelieu, principal ministre du roi Louis XIII. Et même peut-être plus que principal ministre, hein, on sait que c'est lui qui renaît pas mal toute la patente. Sinon, en 1922, naissance à Cannes de l'acteur français Gérard Philippe, apparu notamment dans L'Idiot, Le Diable au corps ou encore La beauté du diable. Il est décédé subitement le 25 novembre, en 59 à Paris. Toujours un 4 décembre. Ici, non, beaucoup trop français. Ça nous touche pas du tout. Ça non plus. Et sinon, oh, Jay-Z, en 1969, naissance de Jay-Z, rappeur et mari de la chanteuse, chose de Beyoncé. En 1980, après le décès du batteur John Bonham, Led Zeppelin, le groupe de hard rock britannique décide de se dissoudre. C'est triste, ça, un 4 décembre, Led Zepp qui se sont dissous. Mais bon, hein, on sait que dans les années 80, il n'y a pas grand band des années 70 qui a fait de la musique qui avait de l'allure, donc c'est pas trop grave. Et sinon, à Sao Paulo, En 2011, décès du footballeur brésilien Socrate, frère de Ray, élu notamment joueur sud-américain de l'année en 83. C'était arrivé un 3 décembre. C'est ça? 4, on est le 4, Dan. Reprends-toi un peu. Sinon, hey mesdames, ça fait longtemps qu'on en parle pour les messieurs, les Real Dolls, hein? Ça, on le sait, c'est poupées en silicone qui ressemblent à des actrices porno, mais presque réelles. Eh bien, mesdames et certains messieurs, voici enfin la poupée gonflable en latex homme. Ben oui, avec le gros kit, puis tout le kit. Et puis, vous pouvez même, il y a différents attributs que vous pouvez lui mettre, mou, semi-mou et dur. Ben oui, si vous êtes célibataire et vous cherchez à occuper vos longues soirées d'hiver, nous avons la solution. Achetez-vous une poupée sexuelle après la poupée féminine réservée aux hommes. Voici le male sex doll, la poupée version homme pour les femmes en manque d'affection. Ils disent toujours les femmes en manque d'affection, mais c'est drôle, mais je suis sûr qu'il y a certains messieurs qui vont s'en acheter. Ces poupées au physique d'hommes ont été créées par la société californienne Synthetics, saisissant de réalisme, pour vrai, vraiment bien fait, dans les moindres détails. Et quand on dit les moindres détails, là, muscles, articulations, visage, cheveux et le mâle sex doll se veut plus vrai que nature. Chaque homme est unique. Vous pouvez le personnaliser aussi, votre sex doll, en choisissant la coupe de cheveux, la couleur des yeux et même la taille de... pourquoi toutes les filles vont s'en acheter ou autres. Si vous êtes un peu bizarre, vous pouvez également joindre une photo de celui que vous admirez en secret afin de le faire reproduire en silicone. Wow! Il faudra tout de même débourser la modique somme de 5 900 $ pour vous procurer votre homme siliconé. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur la page Facebook du Dîner de con pour voir des images sexy. Willie Murphy, 77 ans et 48 kilos de muscles. Je vous présente la grand-mère la plus forte du monde. Alors que la plupart des mamies de son âge passent leur temps devant la télé ou dans la cuisine à confectionner des petits gâteaux, Willie, elle, passe ses journées à la salle de muscu. Grâce à cette détermination, elle est devenue la meilleure haltérophile de sa catégorie d'âge. Sa force musculaire lui permet de faire des pompes sur un bras et sur le bout du doigt et enfin lever plus de 97 kilos de fonte sans broncher. Donc, elle peut me sacrer une volée, genre la bonne femme, elle a 77 ans, c'est quand même correct. Dans une interview pour le USA Today, Willie Murphy explique qu'elle s'est mise depuis quelques années à l'haltérophilie. C'est après avoir assisté à une compétition d'haltérophilie qui se tenait dans son quartier que cette grand-mère a décidé de franchir le pas. Je la cite. Depuis j'ai commencé, je ne peux plus m'entraîner, je ne peux plus m'arrêter. C'est comme une drogue. Mon entraînement quotidien me permet de me maintenir en forme. Je peux dégager la neige devant chez moi. Je suis capable de pousser ma voiture si elle se retrouve bloquée. J'ai presque 80 ans, mais je suis plus vivante que jamais. Ça, c'est cool. C'est des belles nouvelles remplies d'espoir. Hein? On peut décider à tout moment de changer les choses. Ici, un ovni. OK, une base secrète dans un volcan mexicain. Parfait pour un scénario de Austin Power. Non, mais quand même. Hein? Sur une vidéo mise en ligne le 23 novembre sur YouTube, il est possible d'observer un étrange objet évoluer à proximité de Popocatépetl, un phénomène troublant. Le gigantesque volcan du Mexique est régulièrement le théâtre d'apparitions très mystérieuses. Et quand je dis ça, je dis pas que ça n'existe pas, c'est juste particulier. Bien souvent dans des cas présumés d'OVNI, la vidéo qui a été diffusée par un certain Miguel Angel Hernandez est floue en raison de son effet de zoom. C'est tout le temps ça, c'est tout le temps flou. Pourquoi c'est jamais clair, hein, les OVNI? Elle demeure néanmoins d'une qualité suffisante pour qu'on puisse y observer une apparition assez curieuse. Évoluant dans les airs selon une trajectoire rectiligne à une vitesse régulière, un aéronef de couleur claire semble frôler les parois du volcan avant de disparaître derrière les immeubles d'une agglomération locale. En soi, cette séquence ne mériterait peut-être pas d'être relevée dans la mesure où sa piètre définition ne permet pas de décrire précisément l'engin. Mais cependant, cette observation n'est pas forcément anodine dans la mesure où le volcan mexicain est connu pour être le théâtre de très mystérieux phénomènes qui font parfois la une des journaux télévisés locaux. En 2012, par exemple, un ovni en forme de cigare aurait été filmé s'engouffrant dans le cratère de Popocatépetl. En février 2013, une nouvelle apparition, cette fois-ci un ovni qui s'était contenté de le survoler. En juin 2013, un autre ovni aurait de nouveau pénétré dans le cratère. Et en avril dernier, enfin, on signalait encore deux autres ovnis autour de ce volcan. Alors, c'est possible, on ne sait jamais quand même. Hein? Ça serait toujours intéressant de voir des ovnis, mais on dit ça tant qu'on ne les aura pas vus. Quand on les aura vus, ben, on va se dire, peut-être que c'était mieux de ne pas en voir. Sinon, je vous présente en vidéo la plus grosse langouste du monde. Ça, c'est un... Ça donne faim. Moi, je regarde ça, puis ça donne faim. Pour vrai. Un pêcheur américain a peut-être attrapé la plus grosse langouste de l'année. L'animal pesait 12 livres. Une langouste de 6 kilos. Elle a 70 ans, cette langouste. Donc, c'est un biologiste américain également, plongeur, qui a attrapé une langouste gigantesque au large des îles d'Anacapa, sur la côte californienne. L'animal serait, lui, âgé de 70 ans. Une prise exceptionnelle, puisque la pêche intensive en raison de telle... Pardon. A eu raison de tels spécimens. Il est en effet très rare dans cette région du globe de pêcher des langoustes de plus de 1,5 kg. Attrapé le 6 octobre dernier, Albert Gitter, la langouste est selon Forrest sa prise la plus impressionnante en 10 ans. En premier lieu, il dit, je le cite, « Je me suis demandé s'il pouvait ne pas s'agir de la plus grosse langouste jamais pêchée. J'étais un peu surexcité. En revanche, je suis sûr qu'il y a déjà des plus grosses langoustes sur la côte ouest. » Et bien finalement, ils se sont rendus compte que c'était la plus grosse de l'année qui s'est pêchée. Et puis, ben, c'est bien intéressant. Allez voir ça en vidéo. Sinon, midi 39, l'autre côté de la pause musicale, je vais vous offrir la façon de faire un repas de Noël à moins de 15 euros. Ben 15, mettons, on va dire 15 piastres par convive parce qu'on est dans un article, bien sûr, français. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. La chronique, c'est plus simple expression. Sa plus simple expression. Ça, c'est quoi cette chronique-là? Moi? Hein? Ben ça, c'est la chronique où j'essaie, du moins, de vous expliquer d'où ça vient, toutes ces expressions-là qu'on utilise, mais qui, si on regarde un peu plus loin, me semble que ça veut rien dire, hein? Moi? Mais toi, tu vas m'aider à essayer de décoder ça, bien ben, entendu. Évidemment, avec mon talent inexplicable venu d'en haut. Inexplicable, j'aurais dit inné. Inné, oui, oui. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais. Cette semaine, petite thématique, les parties du corps. OK. OK. On va y aller à tâtons. Pas à tâtons. Non. Donc, on commence avec les parties du corps et on commence avec une première expression. Mathieu, dis-moi ce que ça veut dire, avoir l'estomac dans les talons. Ben, les talons, c'est évidemment un cheval. Hein? Donc, l'estomac dans les talons, c'est quand tu as une relation avec un cheval, mais que ton estomac est vraiment contre son corps. Fait que tu as l'estomac comme dans les talons. Ça pourrait être ça, hein? Ça pourrait. Mais en fait, avoir l'estomac dans les talons, c'est avoir très faim, hein? On okay. sait ça. Oui, faim d'un cheval. Faim de relation sexuelle avec un cheval. Oh! Ah, excuse-moi. Non, trop loin, non, là. Non, on va pas là-dedans. Trop loin. Non, on mélange pas les animaux et les humains, excuse-moi, s'il te plaît. T'as raison. Donc, ben malheureusement, hein, c'est encore une expression à propos de laquelle les lexicographes modernes sont revenus bredouilles. Il y a comme pas vraiment d'explication bien précise. En fait, cette expression-là, avoir l'estomac dans les talons, ça se disait autrefois avoir l'estomac au talon. OK. Donc, il n'y a pas de cheval là-dedans, malheureusement. il en existait également une version en argot attestée en 1898, avoir l'estomac dans les gadins. OK, donc les gadins, c'était les souliers à cette époque, donc signification argotique aujourd'hui oubliée, puisque le mot gadin signifie maintenant chapeau, mais surtout une chute. Malgré que c'est pas un mot qu'on utilise vraiment souvent, le sens a quand même changé de ce mot-là. Donc, que l'estomac devienne le centre de nos préoccupations lorsqu'on a très faim, c'est compréhensible, mais pourquoi est-il supposé descendre jusqu'au talon, donner l'impression de s'étendre jusqu'au pied? Apparemment, mais c'est encore une énigme pour les lexicographes. Oh. Hein? Colin. Ensuite, mettre sa main au feu. mettre sa main au feu. Ouais, mm-hmm. ouais, non, tout à fait, mettre sa main au feu. j'ai absolument rien qui me vient avec celle-là, attends un peu. Il y a tout le temps au moins une par semaine, c'est déjà de la deuxième, ça va vite, je trouve. Ça ben va ouais, hein, c'est une journée difficile. J'ai perdu ça trop rapidement, c'est rendu déjà semi pas mal moins fort. Donc, ouais. Mettre sa main au feu, c'est être sûr de quelque chose ou affirmer fermement quelque chose. Donc, en effet, au Moyen-Âge, il existait plusieurs moyens de déterminer avec exactitude, sans faille, qui était coupable de quelque chose. Et là, quand on dit exactitude sans faille, là, on met des gros guillemets. Hein? Donc, parmi eux, il y avait les combats. Donc, par la force divine, le vaincu n'était jamais simplement le plus faible, donc c'était obligatoirement le fautif. OK? Ensuite, il y avait aussi l'épreuve du feu. Donc, elle consistait soit à saisir, puis à garder un moment en main une barre de fer rougie au feu, soit à mettre la main dans un gant métallique également rougi au feu. Donc, quelle que soit la méthode, grâce à l'intervention divine, toujours, celui dont la main guérissait en moins de 3 jours était déclaré innocent de ce dont on l'accusait. Ouais. Hein, on voit que c'est tout à fait logique, là. Ben oui. Donc, c'était de cette épreuve redoutable qu'est née notre expression « mettre sa main au feu ». Donc, aujourd'hui, pas fou ou moins croyant, on sait aussi que Dieu a maintenant bien d'autres chats à fouetter que de guérir des mains en feu. Donc, on n'emploie plus cette expression, hein. « Je suis prêt à en mettre ma main au feu » parce qu'on sait que il y a très peu de risques qu'on soit amené à le faire vraiment. Donc, même si on a affirmé que c'était faux. Donc, on sait qu'il n'y a personne qui va te mettre une barre dans la main. Donc, on peut te croire si tu dis ça. Ben, tu sais, tu peux mettre ta propre barre dans ta main si ta barre est en feu, comme dans une joke de masturbation. Ouais. Tirer les verres du nez. ben, tirer les verres, c'est évidemment... c'est des fois, mettons, ton smoothie est au kiwi et vert. Et là, tu t'es étouffé à cause d'une de mes très bonnes blagues ou références. Fait que tu t'es étouffé avec ton smoothie au kiwi et t'es sorti par le nez. Donc, on t'a sorti le verre du nez. OK, mais déjà, il n'est pas au kiwi, il est aux épinards. Épinards, excuse-moi. C'est dégueulasse, ce smoothie au kiwi, c'est surette. Ça a l'air bon. Non, non, moi, j'en veux. Non, non, c'est dégueulasse, j'ai ça, kiwi. J'ai essayé, c'est dégueulasse. Donc, tirer les verres du nez, c'est réussir adroitement à faire parler quelqu'un, donc sur un sujet ou des informations qu'il ne voulait pas aborder ou divulguer. Donc, que viennent faire hein, des asticots dans les narines? Peut-être que les asticots sont effectivement une bonne piste. Donc, vous savez en effet qu'il y a très, très longtemps, les larves de mouches, entre autres, servaient à guérir les plaies car elles ne se nourrissaient que des tissus morts. Donc, eh bien, actuellement, alors que les antibiotiques sont de plus en plus inefficaces, ce traitement revient en grâce et semble soigner efficacement certaines plaies difficiles à guérir autrement. Donc, on réutilise de plus en plus cette méthode. On pourrait donc imaginer que, suite à une blessure dans le nez soignée de cette manière, il faudrait bien finir par en retirer les asticots voraces hein, qui grouillent. Donc, on peut légitimement se demander quel sera alors le lien avec les informations qu'on réussit à extirper de quelqu'un. En fait, les hypothèses sur l'origine de cette expression, qui est attestée depuis le 15e siècle, sont multiples, mais aucune n'est réellement satisfaisante, malheureusement. Donc, une qui semble séduisante viendrait d'une déformation du latin verum, qui est le vrai. Donc, on tirerait donc la vérité du nez. Donc, verum, ce qui signifie vrai, ressemble quand même beaucoup au mot vert. Mm-hmm. Mais pourquoi du nez et pourquoi les verres au pluriel? Donc, on a notre linguiste Alain Rick qui réfute cette hypothèse en ajoutant que la version anglaise « to worm a secret out of somebody » évoque bien un ver de terre et non la vérité. Mais probablement que ça suffit pas à rejeter cette expression anglaise qui pourrait être tout simplement une traduction approximative de la française. Ouais. Donc, on peut pas vraiment s'y fier à 100%. Ensuite, il y a d'autres personnes qui évoquent les charlatans de l'époque qui prétendaient guérir les gens en leur retirant par le nez des les vers qui étaient forcément la cause de leur maladie. Il y a même eu le dictionnaire Littré qui faisait un rapprochement hasardeux avec les comédons, hein, les points noirs, ouais, qu'on extirpe du dessus du nez et qui... s'ils ont bien la pointe noire, ont plutôt l'apparence plus ou moins de mini asticots blancs. C'est vraiment dégueulasse, dis-le même, mais ouais. Donc, enfin, même si c'était suggéré, il est peu probable que l'expression ait un lien quelconque avec un poète auquel on chercherait à faire écrire quelques vers pour un sonnet. Ah, drôle. Mais ça a été abordé quand même, cette image-là. Donc, voilà donc une autre expression qui garde son mystère, mais parfois ça peut être le mélange de tout plein de choses qui amènent une expression. Donc, sont à la fois bonnes et mauvaises. Mmh. Ensuite, avoir la tête dans le cul. Cul, évidemment, c'est Q, c'est l'émission animée par Gian Gomeschi, anciennement sur CBC. Donc, c'est le, okay, le gars qui a fait des présumés crimes sexuels. J'imagine que donc d'avoir la tête dans le Q, ça doit venir de là. C'est un jeu sexuel avec notre ami Gian Gomeschi. En fait, non, avoir la tête dans le cul, c'est être mal réveillé ou ne pas se sentir bien comme un lendemain de veille, par exemple. Est-ce que tu me pointes parce que c'est clairement ça tous les mardis matin? Non, pas du tout. je te pointais même pas. Okay. Donc, cette expression est très récente. Elle serait apparue à la fin du siècle dernier sans que sa source semble vraiment connue. Une chose semble sûre, c'est qu'une fois la tête là-bas, dedans, hein, la vue doit être légèrement brouillée. Hein, et la perception des sons plutôt étouffée, déformée. C'est sombre, hein? Oui, c'est ça. Mmh. Donc, exactement comme quand on a du mal à refaire surface, ce qui suffit à expliquer pleinement la métaphore. Mais plus simplement, peut-être n'y a-t-il que dans cette expression qu'une allusion à ces animaux, hein, quand ils sont endormis en boule, ils ont comme la tête dans le cul. C'est vrai. Une autre image qui pourrait justifier l'utilisation de cette expression. Ben, elle est plus adjacente au cul que dans, mais bon. Ouais, mais tu sais, c'est souvent hyperbolé, ouais. Métaphorisé. Métaphoré. Métaphoration, hein, tu sais. Ensuite, prendre ses jambes à son cou. Et pas à son cul, là, à son cou. Ben là, Colin, fais donc la blague. Non, en fait, je m'en allais pas par là-bas. Non. Prendre les jambes à son cou, t'as dit? Ouais. C'est un coup comme un coup de poing, j'imagine. Donc, prendre les jambes à son cou. Tu veux empêcher un coup. Donc, tu te défends en te mettant les jambes dans les airs, pose ninja, pour empêcher quelqu'un. C'est un move dans Street Fighter. Ah! Ultimate Extreme, Mother Flippin, etc. Motherfucker. Non, je peux vous regarder la main. Prendre ses jambes à son cou, c'est courir très vite, sans fuir. Donc, en fait, tu te défends pas, tu t'en vas, tu cours, okay. Tu te sauves. Il suffit de remonter à la fin du 17e siècle pour trouver l'explication de l'origine, à défaut de comprendre le lien avec le sens actuel. Donc, à cette époque, en effet, Furtière écrivait que prendre ses jambes à son cou se disait, au début de son siècle, prendre ses jambes sur son col. Okay. Et non à son cou, mais prendre ses jambes sur son col. Et signifier se résoudre à partir pour quelques massages ou quelques voyages. Pas quelques massages, quelques messages, c'est différent. Ou quelques voyages. Donc, il s'agissait donc simplement des préparatifs à un déplacement qui, outre quelques menus objets nécessaires au voyage, bien sûr, hein, nécessitait d'apporter ses jambes. Et comme le sac de bagages était souvent porté en bandoulière ou à l'aide d'une sangle passant derrière le cou, il fallait aussi prendre ses jambes. Sur son col, donc le col de la chemise, par exemple. Donc, ce n'est qu'au 18e siècle que le sens de l'expression a évolué pour marquer la promptitude et la vitesse. Ensuite, se mettre le doigt dans l'œil. Ouais, c'est un peu littéral, hein? C'est un peu littéral. Se mettre, OK. Donc, c'est se mettre, clairement, donc coucher avec quelqu'un, mais tout ça en ayant le doigt dans l'œil. C'est un nouveau fantasme très populaire sur YouTube Porn. OK. Se mettre le doigt dans l'œil, c'est se tromper grossièrement. Chacun sait hein, qu'un doigt dans l'œil, non seulement ça peut faire très mal, mais ça peut aussi l'abîmer hein, irrémédiablement. Oui, ça t'empêche de voir aussi. Entre autres. Ouais. Donc, certaines explications sur l'origine de cette expression évoquent la pauvre grenouille de Bénitier qui fait le signe de croix de manière si maladroite qu'elle se plante malencontreusement le doigt dans l'œil. Mais leurs auteurs se mettent probablement le doigt dans l'œil, justement. Bah. car c'est oublié qu'en argot, OK, l'œil désigne aussi l'anus. Et que dans le langage populaire, l'erreur est souvent exprimée par des termes évoquant des choses placées sous la ceinture. Donc, par exemple, quand on se trompe, on peut dire se foutre dedans ou, tu sais, quand on se fait avoir, se faire fourvoyer. Ouais. Et quand on est trompé par quelqu'un, hein, les allusions à la sodomie deviennent fréquentes, malheureusement ou heureusement, ça dépend pour qui. Donc, quant au doigt, dans un contexte pareil, il est facile d'imaginer ce qu'il représente. Hein? Ouais. Le doigt dans l'œil. Ben oui. Donc, de là, on comprend qu'on puisse évoquer, sinon réellement pratiquer l'autosodomie en se mettant le doigt dans l'œil lorsqu'on est lourdement trompé par soi-même. Donc, on s'auto-pénètre. C'est ça, ouais. Ensuite, avoir une dent contre quelqu'un. C'est rare que mon explication est pire que... Qu'est-ce que j'ai suggéré comme explication? Une dent contre quelqu'un... dent comme une année. J'imagine, donc des apostrophes AN, hein? Donc t'as que dents contre quelqu'un, ça veut dire que t'aimerais ça ne pas le voir avant plusieurs années minimum. T'sais. T'as dents contre quelqu'un, tu comprends? C'est comme des années, c'est comme la contraction. Ben, ça pourrait être un peu ça, parce qu'en fait, avoir une dent contre quelqu'un, c'est avoir de la rancune ou en vouloir à quelqu'un. Oui. Donc, il faut remonter au 14e siècle pour trouver les premiers usages de cette expression, où on dit plutôt « avoir la dent » ou « les dents » à quelqu'un ou sur quelqu'un. Donc, nul doute qu'à l'époque, les individus devaient facilement avoir une dent contre les arracheurs de chicots qui sévissaient sans anesthésie, entre autres. Donc, lorsque dans cette ancienne forme de l'expression, on remplaçait la personne par une chose, la locution signifiait alors être passionné par ou convoiter ardemment ou s'acharner sur quelque chose. Donc, tu n'avais dedans pour quelqu'un. Tu n'avais dedans, tu voulais te mettre dedans. Ouais, mettons. Mais pourquoi une dent? Donc, pour le comprendre, il suffit de savoir qu'à partir du 14e siècle, le mot « dent », au sens figuré, exprimait l'agressivité ou la malveillance. Donc, on en imagine aisément la raison. Non seulement la dent est à la fois un symbole de dureté et de morsure, mais l'animal qui montre ses dents a un comportement agressif. Hein, ne disait-on point d'ailleurs, ne faire apparaître qu'une dent pour ne montrer aucune agressivité. Ouais. À la même époque, une dent de lait était une rancune, une animosité de longue date, une dent de lait. Donc, c'est pourquoi un peu plus tard, on retrouve chez Molière, dans Le Bourgeois Gentilhomme, l'expression « avoir une dent de lait contre quelqu'un ». C'est bien. Ouais, c'est vraiment bien. Ouais, je trouve ça cute. Ouais. C'est cute, une dent de lait. C'est cute. Adam et Ève, comment? Ensuite, un œil au beurre noir. Donc, un œil, j'imagine que tantôt, t'as parlé que c'était un anus. Mm-hmm. Cuit dans poêle, j'imagine que ça doit se manger de différents animaux. T'as-tu dit un anus cuit dans poêle? Ben, ça doit se faire de certains animaux. Des fois, tu peux manger des testicules de plein d'animaux, ça se peut. Donc, cuit dans le beurre, mais c'est vraiment comme une semelle de botte. Et littéralement, une semelle de botte. Comme BTT. C'était ta meilleure. Merci, t'es fine. Ben, en fait, avoir un œil au beurre noir, c'est un œil entouré d'une échymose due à un coup. Oui, on parle qu'en argot, bien sûr, l'œil désigne l'anus, entre autres. Quant au beurre noir, ben, si tu penses à l'anus, ça peut être un peu dégueulasse. Si tu penses au beurre noir, puis que l'œil voulait dire anus. C'est dégueulasse depuis le début, je te dirais. Ouais. Mais, en fait, est-ce qu'il y a vraiment un lien, un rapprochement avec un œil maltraité? En réalité, ça n'a probablement aucun lien avec l'argot anus-œil. Okay. Donc, cette expression a été attestée en 1585 sous la forme « les deux yeux pochés au beurre noir ». Wow! Donc, c'est grâce à cette forme plus explicite qu'on peut comprendre son histoire, parce qu'en effet, qu'on faisait pocher au beurre noir, ce sont les œufs. Donc, de deux œufs pochés au beurre noir à deux yeux pochés au beurre noir, il y a soit une équivoque, soit une volonté de plaisanterie, mais un lien quand même plus probable. Donc, d'autant plus que dans la poêle, le blanc des œufs entouré du beurre noirci d'avoir trop cuit, peut-être comparé au blanc des yeux entouré du bleu foncé qui apparaît peu après le coup reçu. Donc, ça ressemblait quand même à deux œufs trop cuits. Pas long après. Ouais. Ensuite, quand on dit par cœur. Par cœur, ben, c'est un maudit. Par cœur brodeur. Non, ben, j'allais dire un maudit français hein, qui veut aller se stationner dans le parking. Donc, il fait son par cœur, j'imagine. Ou sinon, c'est de sauter de bâtisse en bâtisse, c'est faire du parkour. Sinon, on avait Peter Parker, ouais. En fait, Parker, ça veut dire de mémoire. Non. Tout simple. Mais je te le jure. Arrête-moi ça. Mais de où est-ce que ça vient? Ouais, ça, on veut savoir ça. Donc, depuis quand le cœur est-il le siège de la mémoire? On se demande. Eh bien, il faut aller voir chez les Grecs à l'Antiquité. Chez ces gens-là, les Grecs, cet organe était le siège à la fois du courage, de la sensibilité, de l'affectivité ou même de l'intelligence. Donc, plus tard, malgré une meilleure connaissance du rôle réel du cœur, il restait associé aux sensations, aux émotions et aux passions. Au Moyen Âge, il était utilisé dans l'expression « souper par cœur », ce qui signifiait « manger par la pensée, par l'imagination ». Donc, autrement dit, maintenant, se serrer la ceinture, c'est-à-dire ne pas avoir de quoi manger. Donc, « souper par cœur », c'était comme « manger dans sa tête ». Comme l'émission « souper par cœur ». Non, ouais, ça joue, puis ils font jamais rien, puis ils n'ont pas rien à manger. C'est long. En fait, c'est au 16e siècle, chez Rabelais, que l'expression « savoir par cœur » semble apparaître pour la première fois. On la trouve ensuite chez Colliérès, que je ne connais pas malheureusement. Cette utilisation de « cœur » comme siège de la pensée ou de la mémoire s'est maintenant complètement perdue, ce qui rend l'origine de l'expression assez incompréhensible. Mais certains évoquent quand même le fait que quand on aime quelqu'un, On ne peut pas l'oublier. C'est ainsi que le lien de l'organe à la mémoire se serait fait. OK, c'est cute. C'est cute. Ouais. Et finalement, la moutarde lui monte au nez. Moi. La moutarde lui monte au nez. Hein? Ça, c'est quand tu pèses trop fort sur un hot dog puis qu'il était à verticale. Ça doit être ça. Non, je pense que ça a rapport avec l'oiseau. Je pense que c'est une déformation de l'outarde. OK, l'outarde lui monte au nez. Oui, c'est l'espèce spéciale d'outarde qui vole, mais à l'envers, au sol, à la place d'être dans les airs, puis qui font des besoins par en l'air. Tu connais pas ça? C'est un univers parallèle au nôtre. C'est sur une autre planète Terre. Les oiseaux volent au sol et fuient dans les airs. Ça n'a pas d'allure. Je sens que tu es inspiré par quelque chose ces temps-ci. La même émission que j'ai écoutée hier, que je t'ai parlé hier, ouais, c'est Sliders. Je suis là-dedans en ce moment. Mais ouais. Sous la dent? Sous la dent. Hein? Sous la dent. Drôle, c'est un jeu de mots, ça. T'as gagué. Ouais. Donc, la moutarde lui monte au nez, c'est l'impatience qui l'envahit, ou la colère qui le gagne. Donc, ceux qui ont tenté l'expérience d'avaler une cuillère à soupe de moutarde forte ont une petite idée de l'image là, de ça. Est-ce que tu as déjà fait ça? De la moutarde forte, spécifiquement, non. Prendre une grosse cuillère à soupe de moutarde forte? Pas encore. Probablement que tu vas avoir de la misère à respirer, que tu vas pleurer et que tu vas perdre le souffle. Je fais déjà ça en temps normal, fait qu'imagine comment ça va être pire. Avec la moutarde. Bref, ça va irriter tes muqueuses nasales. Mais tu vas l'avoir mérité, c'est ça? C'est ça! Donc, vous avez maintenant compris pourquoi le nez est présent dans l'expression, parce que quand tu prends une cuillère, ça monte dans le nez. Ouais. Donc, pour le verbe monter, il va de soi que c'est pas la moutarde qui se hisse dans votre cavité nasale, bien entendu. Il s'agit simplement d'un usage classique dans le langage lors de manifestations physiques involontaires lorsque des mouvements d'humeur corporelle marquent un changement de comportement. Donc, par exemple, le sang lui monte au visage pour manifester la honte ou la colère, ou bien les larmes lui montent aux yeux pour indiquer une émotion particulière. Ne reste plus qu'à expliquer la colère ou l'impatience, parce que s'il est vrai que le gobage de moutarde est un jeu stupide, il n'y a pas pour autant de raison de provoquer de tels sentiments, hein, l'impatience ou la colère. En réalité, c'est un jeu de mots, un jeu sur le mot « irritation ». Ah. Donc, celle physique provoquée par la moutarde et celle psychologique liée à une impatience ou de la colère qui justifie la naissance de l'expression « la moutarde lui monte au nez ». Donc, dans sa forme actuelle, elle date du 17e siècle, mais un siècle plus tôt, elle existait déjà sous la forme de « la moutarde lui entre au nez ». Hein? Voilà. Eh ben! Un mot maintenant, je dis ça, la moutarde lui rentre dans le nez. La moutarde lui rentre dans le nez! Mais est-ce que tu peux l'accompagner de d'autres condiments, ça? Le ketchup, ça monte pas vraiment dans le nez, à ce que je sache. Le vinaigre, peut-être. Si tu buvais, tu sais, des fois, comme un petit bois de liqueur, tu rotes, puis ça te sort par le nez. Donc, tu pourrais avoir du vinaigre qui te sort par le nez. Tu pourrais avoir ça. Ouais, mais il y a pas de gaz carbonique là-dedans, le vinaigre. Tu peux si pas tu le roter par le nez. Tu mets dans ton saut de stream, je m'excuse, ma chère. Hey, as-tu vu la vidéo du gars qui essaie de faire du vin carbonisé? Ben, pas carbonisé, mais... Carbonara. C'est ça, avec une petite sauce rosée. Non, il essaie de faire du vin. Il est avec son père, OK? Il essaie de faire du mousseux, genre. C'est ça, exactement. Et là, son père l'encourage à faire ça parce que c'est lui qui filme. À la fin, ça te fait l'explosion du siècle. Il y a du rouge partout dans la cuisine. Oh. Puis son père, il rit tellement fort, mais en même temps, c'est parce que c'est comme sa cuisine, fait que je comprends pas. Mais il va payer une femme de ménage. C'est vraiment très, très drôle à voir. Donc, cherchez ça sur le stream. Ça wine, doit être genre. Dégueulasse, du vin rouge mousseux. Ben, moi, j'en boirais. Mais tu sais, je boirais n'importe quoi. Tu sais bien. Tu me connais. Tu une gorgée de smoothie aux épinards? Y es-tu carbonara? Merci, Steph. Excellente chronique, comme toujours. Ça fait plaisir. C'est vraiment très le fun de faire cette chronique-là. Ça pue sa perspiration. On fait ça dès mardi à 9h. Ouais, tellement. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis. De 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados diffusion sur cfou.ca.